Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Hey Mathieu, tu sais ce que j'aimerais par-dessus tout? Des câlins. Ouais. Ton petit ourson, ta petite serviette que tu traînes puis tu babes dessus. Non. Non, c'est pas ça du tout. Non. Ah. Des jujubes. Des jujubes. Ah, tu vois, je t'ai pas pu venir avec ça. Ah, des jujubes. Est-ce qu'à la place, mettons, j'ai pas de jujubes, est-ce que ça fait si je te fais, mettons, une chronique, c'est un fait? Ouais, c'est correct. OK. J'en ai des jujubes, c'est ça que tu veux vraiment? Je me mets à la place des auditeurs qui pourraient entendre cet effet avec des jujubes et je me dis wow. Avec des jujubes dans les oreilles, je sais pas si tu vas l'entendre. Non, dans la bouche. Ah! Dans la bouche pour savourer le goût. Surette. Surette. Sucré. Cannelle. Ouais. Non. Ou, tu sais, les teddy bears, là. Les teddy bears? Les petits jujubes avec une nounours. C'est tellement bon. Mais ça. C'est bon, ça colle les nains. Ouais. Ouais. Donc, chronique, c'est un fait. Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Donc, préparons-nous à savourer quelques petits faits. Savais-tu que si tu regardais chaque épisode de Sesame Street, un rue Sésame ou peu importe, tu deviendrais fou? Probablement, oui. non-stop, si tu les regardais non-stop, ça prendrait presque une demi-année. Ah ouais. La série pour enfants est devenue tellement un bijou de la télé publique aux États-Unis et que sa longévité est... Et disons, inoubliable et prise pour acquis, presque. Les gens n'ont même pas l'impression que ça fait aussi longtemps que ça joue. 41 saisons. 41 saisons. Ça bat les Simpsons ou... Ben, justement, c'est deux fois plus long que les Simpsons. Ah, ouais. Oui. Deux fois. Deux fois le nombre d'années que les Simpsons environ. Sans mentionner le fait que chaque épisode dure 60 minutes, alors que chaque épisode des Simpsons dure 2 à 3 fois moins longtemps que ça avec les publicités de nos jours. 41 saisons, ça veut dire 4256 épisodes au total, ce qui veut dire 4256 heures de visionnement, si on y regardait à la suite. Le mois moyen. Un mois, c'est dur à dire, ça. Dure 730 heures et demie, ce qui veut dire que regarder chaque épisode de Un rue Sésame dos à dos, ça prendrait 176,3 jours, ce qui est l'équivalent de 5,8 mois. Oh. C'est presque 6 mois, mais ça, c'est sans dormir, sans rien faire. Oh, ouais, t'as pas mangé, t'as... Moi, j'ai... Ou tu peux manger, mais en autant, tu te regardes. C'est ça, peut-être des petits biscuits en forme de bonhomme de Un rue Sésame, peut-être. Mm. Tu sais, des Big Bird, puis des... Ben, ça, écoute, excuse-moi mon ignorance, mais est-ce que. Pas ça joue encore. Au Québec ou non, mais est-ce qu'ils en font encore? Est-ce que c'est encore en production? Oui, oui, tout à fait. Oui, okay. Même qu'on voit une fois de temps en temps des artistes connus, comme disons Katy Perry, qui avait participé à un épisode de Sesame Street il y a quelques temps, c'est que les épisodes sont enregistrés et diffusés beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps après. Il y a comme un très, très long laps de temps entre la production et la diffusion. Et oui, il y a encore des gens qui participent. On entend souvent parler de grosses vedettes qui participent à ça. Oh. C'est cool. C'est très, très cool. Voilà donc pour Sesame Street au Québec. Je sais pas si c'est aussi populaire. Hein. Il me semble que ça n'a pas levé. Je sais qu'il y a des livres que j'ai vus en français. Mais... Puis je sais qu'en fait, on peut retrouver des jouets à l'effigie de... Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde connaît Big Bird et puis l'autre, là, Elmo. Ouais. Elmo! Mais plus c'est ça, plus du côté anglophone, je pense. Voilà. Plus de succès. Savais-tu qu'un homme a réussi à mettre 2747 cure-dents dans sa barbe? Dans sa barbe. Il en avait presque 2750, mais les cure-dents ont commencé à tomber, plus il en rajoutait dans sa barbe. Donc, est-ce que c'est un record du monde? Mais pour l'instant, on ne sait pas encore parce que personne qui a essayé de le battre. Il n'y a personne qui a essayé de battre ce record-là. Il n'y a aucun Guinness World Record, record du monde, pour cure-dents en barbe. C'est ce qu'on peut voir une photo sur Assemblage Requis? Non seulement il y a une photo, il y a une vidéo sur assemblagerequis.com. Voilà, si vous voulez aller voir la barbe. C'est, il a l'air d'un porc-épic. Pour vrai, là, un porc-épic, là, c'est ça, je trouve. Dans sa face. C'est joli. Il y a aussi un autre gars qui a fait une mosaïque de cure-dents. C'est une photo qui est aussi sur assemblagerequis.com dans le même article. C'est un 86 pieds carrés qui demandait 1,5 million de cure-dents. Ce qui veut dire environ 546 barbes pour l'autre, monsieur. À compléter. Voilà. Eh boy! Eh boy, en effet. Hey, c'est spécial. Ouais, c'est beau. Ouais, hein. Ça donne un style. Ça. Ouais. La couleur, hein, ça fait chic. On dirait les gros toutous, là, que le poil est quand même long. Oui, oui. tu t'es toujours demandé en anglais, en fait, si tu connais le mot en anglais, les sideburns, tu sais, mes favoris qui sont beaucoup disproportionnés et beaucoup trop pas taillés en ce moment. Mais en anglais, on appelle ça des sideburns, tu savais ça? Oui. Sideburns. Tu t'es toujours demandé pourquoi, j'imagine? Non. Non. Le terme sideburns vient à l'origine d'un style de cheveux porté par le général de la guerre civile Ambrose Burnside. En fait, on appelait ça avant des Burnsides, et ensuite on a changé ça pour des sideburns. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Des favoris. Oh, favoris, par contre, ça, je sais pas pourquoi ça s'appelle des favoris. J'aimerais bien savoir. Ah, je sais pas non plus. Un réfrigérateur, François, on a de l'expérience ici au bureau avec les réfrigérateurs qui finissent par arrêter de marcher. Ça ne fonctionne plus. Par la faute de quelqu'un ou quelqu'un d'autre encore. Donc, un frigidaire qui ne marche plus, des fois, la nourriture à l'intérieur peut commencer à sentir mauvais. Bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec un réfrigérateur avec de la nourriture tellement pourrie à l'intérieur qu'ils ont dû évacuer le bureau complet, l'édifice, envoyer les gens à l'hôpital et appeler une équipe. C'est l'équipe en gros habits de plastique, là. Des hazmat qu'on appelle. Exactement. Donc, c'est un réfrigérateur débranché dans la bâtisse de AT&T à San José. Incroyable. Qui envoyait tellement de fusées, de fumée dangereuse que les employés du bureau ont dû appeler le 911. Un travailleur là-bas, un employé avec des allergies qui ne pouvait pas sentir rien de ça, s'est porté volontaire, bénévole, pour aller nettoyer le frigidaire avec des produits chimiques très, très forts. Le mélange de dîner pourri et de produits chimiques, finalement, a rendu 28 personnes malades. Éventuellement, la bâtisse au complet a été évacuée. 7 employés ont été envoyés à l'hôpital et l'équipe de hazmat a été envoyée pour nettoyer le reste du dégât après notre employé avec des allergies. C'est sympathique comme un gars qui sent rien, qui dit « Ben, crime, je vais y aller nettoyer votre réfrigérateur. » C'est bizarre. Ouais. On adore ça. Il y a un bateau allemand qui a coulé à cause d'une toilette. C'était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le U-1206, U trait d'union 1206, a terminé sa vie de façon pas très, très digne, disons. Disons que le design du vaisseau, du bateau, faisait que les batteries du bateau étaient en dessous d'une toilette profonde, une toilette où tu peux faire tes besoins. Et, okay. Profond là, pour que ça puisse s'empiler. Youpi. Donc, après que les membres de l'équipe aient opéré la toilette incorrectement, la toilette a commencé à couler sur les batteries d'en dessous. Donc, le résultat, ben, ça a été du gaz, du chlore, je pense, en tout cas, empoisonné, si on veut, qui a forcé à ce que le bateau monte à la surface. Évidemment, bon, ils ont été obligés de monter le bateau pour pouvoir régler le problème. Et donc, résultat, ils ont reçu des bombes des Britanniques. Et 4 membres de l'équipe sont morts lors de cette attaque-là. Et 46 autres ont été capturés pendant cette Deuxième Guerre mondiale. C'est assez incroyable. Ah ben. Incroyable. Savais-tu que seulement les pharaons avaient le droit de manger des champignons dans l'Égypte ancienne? Non. Eh ben. On parle encore de la Deuxième Guerre mondiale. Les forces alliées utilisaient de faux tanks gonflables pour tromper les soldats allemands. C'est ce qu'on appelle des dummy-tanks faits de caoutchouc gonflables. Oui, c'est vrai. Et ça servait à plusieurs choses pendant la guerre. Ça a été efficace pour convaincre les soldats ennemis que, bon, t'avais plus de tanks que t'en avais vraiment dans la vraie vie. Oh, ouais. Ça, c'est assez évident. Ça fait peur. C'est pas quelque chose que t'es content de voir, ça, plus de tanks que la normale. Ça pourrait être aussi utile comme decoy, donc comme genre de... Comment qu'on appelle ça, un decoy? Mettons, un genre de... Attends un peu. On va essayer de l'expliquer mieux que ça. Pour que quand tu fais bouger tes vrais tanks, tu te fasses pas remarquer. Ça cache, c'est devant ton... Puis là, tu peux comme tasser tes autres affaires en arrière. C'est comme un genre de d'illusion, si on veut. Ouais. Si on veut. Quand les Britanniques et les Américains se préparaient pour l'invasion du D-Day lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont utilisé des dummies gonflables pour remplacer leurs vrais tanks, cachant les mouvements de leurs vrais tanks. Les Allemands se sont fait avoir. On pensait que l'invasion se déroulait à Pas-de-Calais, à la place de la Normandie. Donc, ils se sont vraiment fait avoir. Des tanks gonflables sont toujours utilisés aujourd'hui. La militaire russe emploie toujours des tanks gonflables et des armes gonflable, je sais pas comment, de quoi ça a l'air. J'imagine que la technologie est rendue que ça a l'air vrai. Bref, ces tanks gonflables sont beaucoup plus sophistiqués que dans le temps parce qu'ils ont maintenant, ils peuvent maintenant tromper l'œil humain, mais aussi l'imagerie thermique. Ouais, c'est ça. J'imagine que ça doit dégager quand même de la chaleur avec. Il doit avoir des espèces de morceaux de métal aussi. Là. Probablement pour vraiment tromper tous les appareils qui peuvent détecter ces tanks-là. Un tank T-80 coûte 6 000 $ gonflable. C'est quelque chose. Si vous voulez voir plus de photos et des détails là-dessus, l'article est sur assemblagerequis.com, évidemment. OK, on va en faire un dernier. Je vais essayer de trouver un des plus intéressants ici. Tiens, on va y aller avec un chat, évidemment. Aussitôt que tu as le mot chat dedans, c'est pour moi. Un chat a été enfermé dans un container, dans un gros contenant. Ben, un container, plastique. Là. Un container, parlons incorrectement ce matin. Pendant 16 jours, sans nourriture ni eau. Et ce pauvre chat a survécu à un transport complet d'un côté à l'autre du pays sans mourir de faim. Le propriétaire du container cargo, voilà, croyait que le chat s'était... était arrivé subtilement dans le container alors que le container était du côté de la côte est. Après être arrivé à Portland, le chat a passé 10 autres jours caché dans l'entrepôt jusqu'à ce que l'équipe de rescousse d'animaux ait pu le trouver. Vous pouvez regarder une vidéo de ce chat-là après ces 16 jours-là sur assemblagerequis.com. Pauvre petit minou! Pauvre petit minou! Il a l'air tout fatigué. Oh, pas chanceux. Voilà pour la collecte, c'est un fait, François. Merci, Matt. Ça me fait plaisir. Très intéressant. Hein. J'ai aimé les tanks. Les tanks gonflables. Ouais, ça me surprend. Ça me surprend quand même. On dirait que j'avais jamais entendu parler de ça. Mais en même temps, c'est tout à fait logique. C'est une bonne idée. Oh, ouais. Tout à fait, tout à fait. Je me demande si des animateurs gonflables, ça pourrait convaincre quelqu'un. Je sais pas si on aurait l'air. Ah, tu limites bien. La bouche grande ouverte comme ça, ça. Ben ouais, mais en même temps, tout ce qui est gonflable. Ah, la bouche ouverte, hein, on sait tous ça. Hein. Entre autres. C'est un prérequis. C'est ça. C'est un prix à requis. Ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Qui propose le hot dog le plus cher du monde. Oh, il coûte combien ce hot dog? Ah, ben, je le sais, mais je vais te le dire durant la petite show. Okay. C'est le restaurant Serenity Tree qui propose à sa clientèle new-yorkaise de déguster un hot dog particulier. Alors que ce met en général connu pour être bon marché, eh bien, l'établissement de luxe propose un produit amélioré vendu au prix de 69 $. Aïe, aïe, aïe, 70 $ pour un hot dog, c'est vraiment pas donné. Baptisé Serenity Foot Long Hot Dog. Hot, là, comme hot, H-A-U-T-E. Là. OK. Hot Hot Dog. Il est agrémenté de foie gras et de truffes. Grâce à son prix, le plat a été officialisé par le Guinness des records comme le hot dog le plus cher du monde. Long de 30 cm, parce qu'ils disent foot long, ça veut dire un pied. Okay. Et bien, il est composé de viande de bœuf préalablement grillée dans de l'huile de truffe blanche. Le pain directement importé d'Allemagne est également grillé au beurre de truffe blanche. Sur la viande et dans le pain sont disposés des médaillons de foie gras de canard ainsi que quelques truffes noires. Mmh. Ça doit pas être mauvais. Ça doit être génial. La sauce est une moutarde de Dijon aux truffes noires encore. Et le ketchup a fait partie de tomates anciennes, d'oignons Vidalia caramélisés qui terminent la recette. Et ce n'est pas la première fois que le restaurant Serenity Tree fait parler de lui par ses propositions hors normes, parce que le restaurant a déjà été homologué par le Guinness des records après avoir proposé un pichet de chocolat chaud de 15 litres. 15 litres de chocolat chaud. Exactement. L'établissement est également très apprécié par de nombreuses célébrités et politiciens comme Bill Clinton. Oui, mais Bill Clinton, il est assez groovy comme personnage. Oh, ouais. Moi, je l'aimais bien. Hey, il rentre justement avec son sac à l'instant. Oui, exactement. Il est en train de fumer. Là. On n'a pas le droit de fumer dans le studio, M. Clinton. Il est avec Monica Lewinsky. Exactement. Hey, on apprend que Facebook va vous permettre de transformer votre profil, mettons ta page Charles-André Lambert, en fan page. Ah oui, ça peut être intéressant, ça. Ça peut être utile. Ben, comme moi, j'ai genre ma page personnelle, il y a beaucoup plus de monde que sur ma fan page, donc ça pourrait être payant pour moi. Oui, puis là, je sais qu'on peut désormais, depuis un petit bout, se choisir des URL autant pour nos profils personnels que nos pages qui ont plus de 25 fans. Alors là, moi, il m'en manque 5, là, c'est la page de mon Ben, on a juste 20 fans. Ah, parce va qu'on falloir qu'on aille. On a changé de nom de Ben, on était obligé de recommencer une page. Fait, ça vous tente d'aimer mon Ben, ça s'appelle Phoenix in Flames. Ça vous tente d'aimer mon Ben, je n'avais jamais entendu. Aimez-les donc. Ouais, ben vous pouvez aller voir, il y a 2-3 affaires sur YouTube là, on joue live au Gambrinus, c'est juste que Dave Talbot il avait fait un son ben ordinaire là, mais je en tout cas ben on en parlera pas trop. On n'en parlera pas trop, exactement, sauf que moi tu sais, je me censure pas beaucoup d'amis. Tu fais bien. Voilà. Donc vous allez pouvoir transformer votre profil en fan page, c'est le leader des réseaux sociaux Facebook vient de mettre au point un tout nouveau procédé vous permettant de convertir votre profil habituel en véritable fan page, donnant alors la possibilité à vos visiteurs et vos contacts d'aimer votre page. Une application qui était jusqu'à présent uniquement réservée à un usage professionnel pour les marques ou encore les grandes célébrités de la musique ou du cinéma. Afin d'aider les utilisateurs à modifier facilement leur compte, Facebook a mis en place une page page d'aide afin de pouvoir modifier et de suivre l'étape étape par étape. Être guidé étape par étape. Parce qu'il y avait déjà l'option utiliser Facebook en tant que page. Ça, okay. J'avais vu ça. Mais c'est pas, par exemple, ça te permettait pas d'accumuler les j'aime comme en tant que personne, okay. Là, tu sais quoi, là, c'est vraiment quand même. Mais bon, je vois le bon côté que ça va amener, par exemple, pour toi qui a mélangé la page personnelle et professionnelle, exact. Ça va être vraiment utile. Mais par exemple, j'ai peur qu'il y a, il y ait des cas un peu étranges, je veux dire, je veux pas commencer à émettre des hypothèses justement pour pas donner des idées. Exactement, sauf que on peut facilement imaginer toutes sortes de scénarios plus biscornus les uns que les autres avec une telle disposition. Oui. Sachez que lorsque vous convertissez votre page profil à une page fan, eh bien, vos photos seront transférées de profil et tous vos amis seront automatiquement ajoutés comme des gens qui aiment votre page. Oh. Ça, c'est hot. Ouais. Comme moi, mettons, j'ai 1065 amis, mais je vais avoir 1000 personnes qui vont aimer ma page. C'est quand même... C'est beaucoup. Ouais, c'est hot quand même. Donc, ce changement de statut est avant tout destiné aux petites entreprises et aux marques se trouvant dans la plupart du temps gênées par la limite actuelle imposée par Facebook de déposséder unique 5000 amis. La traduction est vraiment mauvaise. Mais bon, on comprend le principe. Hein? Ben, en fait, je pense que c'est ça. On peut pas avoir plus que 5000 amis sur Facebook. Je savais pas qu'il y avait une limite d'amis. Mais sinon, tu peux, mais il faut que tu aies une page comme commerciale. OK. Tu sais, comme, mettons, je sais pas, moi, name it, là, Aerosmith, peut-être. Peu importe, ben, eux peuvent avoir plus que 5000 amis. Il y a aussi souvent des fan pages, tu sais quoi, tu sais, il y a la page officielle, mais il y a beaucoup de pages de fan clubs, de toutes sortes d'affaires. Puis, d'un certain point de vue, bon, ben, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est parce que, tu sais, quand tu vois un artiste, puis tu veux dire, j'aime cet artiste-là, mais t'aimes même pas la page officielle, c'est genre un des fan clubs qui s'est retrouvé par hasard. À cause de la genre de programmation de Facebook. Ça, je trouve ça un peu plus plate, j'avoue. Un peu plus louche. Ben, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est officiel. Ça. Ben, moi, j'aime aimer les pages officielles, mais les pages de fans de Tokyo, là, je m'en fous. Là. Tout à fait. Et on va y aller avec une petite dernière comme ça pour l'instant. Une chaise à l'origine de la grossesse de 7 femmes. OK, parce que c'est une chaise pleine d'immondices. On le sait pas, on va aller voir. C'est là, le titre est là pour nous accrocher. Hein. Donc, en Grande-Bretagne, dans l'hôtel Best Western Moor Place à Milton Keynes, eh bien, une chaise est soupçonnée d'avoir des pouvoirs magiques ou du moins de provoquer les grossesses. Ainsi, selon la presse britannique, 7 femmes qui se sont assises sur celle-ci sont finalement tombées enceintes dans les 18 mois, à l'image des réceptionnistes. Là, ils nous donnent des noms, je ne les dirai pas. La coïncidence est telle que certaines femmes de l'hôtel éviteraient aujourd'hui de s'asseoir sur cette chaise en question. Ah, ils veulent pas. Ben non. Ils veulent pas de brioche au four. Non, exact. La chaise est une chaise de bureau typique qui tourne, mais nous avons maintenant du personnel qui refuse de s'y asseoir. Au départ, c'était une blague. On disait en plaisantant que si quelqu'un voulait un bébé, il suffisait de s'asseoir sur cette chaise et que la fécondité arriverait comme cela. C'est tellement surréaliste. Cela se passe à chaque fois, a expliqué le directeur général de l'hôtel. Ben, en même temps, lui, il est bien content. Hein? Ça a fait une publicité gratuite. Tout à fait. On a nommé le nom de son hôtel partout sur la planète avec cette nouvelle. Mais bon, à savoir si une personne qui a pas de relation sexuelle qui s'assoit sur cette chaise-là. D'après moi, si je m'assoyais sur la chaise, je pense pas que tu tombes enceint. Non, enceint comme Arnold Schwarzenegger dans l'excellent film Junior. Moi, là, les films d'Arnold de ce genre-là, j'aime mieux que les films où est-ce qu'il casse du russe. Pour vrai, je trouve ça plus drôle. Comme il joue avec Danny DeVito, puis les deux ensemble sont vraiment marrants. Ils sont drôles. Exactement. C'est comme dans Jumeaux, là. Excellent comme principe. Et puis, on dirait que Danny DeVito, c'est un très bon acteur. Il a fait toutes sortes de films, dont Batman. Là. Hey, il était dégueulasse dans Le Pingouin? Mais il était bon. Oui, mais il était dégueu. Exact. Mais l'affaire, c'est qu'Arnold Schwarzenegger, il joue mieux quand il était avec Danny DeVito parce que ça le challenge. Fait qu'on peut voir probablement mais c'est le pas meilleur. Un mauvais comédien. C'est pas un mauvais comédien, mais il y a des pics de performance quand il est avec Danny DeVito, je trouve. Et puis, il figure bien dans des trucs humoristiques. Oui, par exemple, j'ai adoré La course au jouet. Un flic à la maternelle. Ouais, c'était un bon film. Puis, gars, il était... C'est un film familial, ça a eu beaucoup de succès. Mais c'est pas con, ce film-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un navet, là. Ouais, ça n'a pas été considéré. Je veux dire, il y a des bons films qui ont été encore plus maltraités que exactement, ça. Exactement, c'est ça que je veux dire. Puis, mais sinon, ça, La course au jouet, là, je veux dire, il joue pas avec Danny DeVito là-dedans. Ben, c'est un film de Noël avec Arnold, puis il se court partout pour trouver le jouet là, la veille de Noël, tu sais quoi. Et puis il y a quand même un petit côté, il amène une espèce d'histoire de super-héros là-dedans. Il fait un parallèle avec le père qui cherche le jouet, puis qu'est-ce que le jouet représente en tant que tel, tu sais. Il est à l'effigie du super-héros préféré du gamin, donc. Et puis ça finit par être une espèce de d'aventure rocambolesque, à la fois très drôle mais aussi très touchante. J'aurais jamais pensé être ému en écoutant un film d'Arnold Schwarzenegger, mais oui, ça a l'air que c'est possible. Ben, c'est cela. Moi, je vous envoie un petit titre un peu pour vous teaser tantôt de quoi on va parler, parce qu'il est quand même 11h55, on arrive tout près du nombril de la journée. On va parler d'un œil bionique pour redonner la vue aux aveugles. Ah, magnifique! Je suis content d'entendre parler de ça. On a 14 personnes qui entrent dans une Fiat 500 pour promouvoir le covoiturage. Attends, il était combien? 14. 14? Dans la Fiat. On sait que les Fiat, c'est jamais de très gros véhicules. À 12 ans, il repense la théorie de la relativité d'Albert Einstein. On a le FBI qui demande de l'aide du grand public pour résoudre une affaire de meurtre. On a cette bouteille qui a été retrouvée, qui avait été jetée à la mer il y a 24 ans. On a une revue de presse des meilleurs et des pires poissons d'avril. Ah oui, ah, ça va être intéressant. Oui, j'aime les farces et attrapes. Exactement. On a la grave dispute entre les deux frères au sujet de la fameuse chaussette. Oui. Et puis, après le passage au numérique, le détenu capte plus la télé et agresse son surveillant. Bon. La télé, c'est un peu l'opium du peuple, hein? On le sait. Imaginez comment c'est important pour un prisonnier d'avoir sa dose de téloche. De téloche. Ça fait du bien, hein? La semaine, j'étais parti, jamais au foie, pas de télé, ça a fait du bien. Ah non, la télé en vacances, c'est à bannir. Tu sais, il y en avait, il y avait tout, là, tout le monde. J'en ai vu qui étaient dans leur chambre, qui écoutaient la télé. J'étais... Ben, écoute le bruit des vagues, man. Moi, quand j'étais à Cuba, je l'ai allumé une fois ou deux, mais parce qu'on pognait TVA, puis quand je me sentais trop dépaysé, je me suis mis TVA, mais genre, je veux dire, 5-6 minutes, là, parce que moi qui... Surtout les infopubs TVA sont excellentes, là. Oh my God, puis la boutique... La boutique, ça, je cherchais, la boutique TVA. Mais ben, en même temps, c'est pas mal l'infopub la moins quétaine que c'est jamais faite, parce que l'infopub, c'est quétaine par définition, ouais, là. Ça. Le monde payé pour applaudir, les bruits en canne, c'est tellement beau que même si le produit était bon, j'en ajouterais pas pareil. Ouf! Sur ça, eh bien, on va aller en musique. Oui, ça serait... passer le cap du midi aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait rien comme d'habitude. Ben, en fait, c'est un peu à l'image, à l'effigie du mois d'avril. Ben, un peu, justement. Là, je cherche le disque. Je cherche le disque. Alors, Danny s'empare du disque. Il s'avance vers la zone début. J'ai bien l'impression qu'il va choisir le mauvais lecteur. Oh non, il s'avance! Non, il n'y a pas de disque. Bon, ben, je peux faire une petite chanson. J'ai appris la trompette, Danny. Hey, ça me fait penser à l'émission L'échec du talent, là, 0 à 1000. Là. Oui, j'adore cette émission-là. L'échec du talent. C'est un bonhomme, l'autre fois, à peu près une cinquantaine d'années, qui jouait de la trompette avec sa bouche, justement. Oh, c'était génial. Est-ce que tu as déjà vu Cheech faire ça? J'imagine que oui. Cheech faisait ça aussi, de Cheech et Chong. Oui, oui, c'est Puis il était très bon, lui, quand il fait ça, Cheech, on dirait de la vraie trompette. Là, puis de la façon qu'il mime, là... Ben non, c'est vraiment excellent, mais c'est des très bons stand-up comiques quand même que faisait Cheech et Chong. Parce qu'on sait que ça a parti comme ça, n'est-ce pas, Danny? Oui. Comme un duo humoristique, un peu comme Tenacious D. Tout à fait, ben, ça commence comme un duo humoristique. Chong, le plus grand, vient de Vancouver. Oui, oui, ça, on savait. Puis c'est là qu'ils ont commencé à Vancouver, dans des genres de communautés hippies. D'ailleurs, Chong qui a connu une carrière d'acteur assez complète quand même, comparé à Cheech, là, il a plus approfondi. Je pense. Ben, il a joué aussi dans des films, même d'enfants, des films pour ados, des trucs mais comme ça. Mais déjà dans Corsican Brothers, on voit vers quelle direction il s'enligne. Une direction qui était quand même assez susceptible de me déplaire, là, par exemple. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. T'as pas d'écouteurs aujourd'hui, c'est vrai. Alors, comme une belle intro. Ben oui, ben c'est une courte intro, mais tu vas voir que la musique est très entraînante aussi. Ouais, très, très bien. Donc, Marie-Pierre qui va être avec nous ici à Assemblage Requis avec sa chronique avec un nom à déterminer plus tard. Un nom à déterminer plus tard, oui. Chronique littérature, chronique livre. Exactement. Aujourd'hui, j'ai choisi de venir vous parler d'un livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Mmh. Ça vous dit peut-être quelque chose. Si je vous dis, par exemple, Odette, tout le monde, ou encore...

un certain midi cette semaine. Exactement. Oui, tu fais bien de le mentionner parce que l'université, ça ne sert pas qu'à faire le party. On peut y apprendre certaines choses. On peut même y boire de la bière. Oui. Parlant de boire de la bière. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Je m'ennuyais, moi, là, de cette petite trame-là. Moi aussi, je m'ennuyais de cette trame-là. Et tantôt, je vous parlais qu'aujourd'hui, on était dans la semaine inversée. Et donc, aujourd'hui, on va commencer avec la chronique du jeudi. Demain, on va poursuivre avec la chronique culinaire. Donc, ce qui fait que mercredi, on va être en chronique film qui traite de la culture rock et jeudi, en chronique littéraire. Et aujourd'hui, on sait aussi que je fais un petit pied de nez à ma chronique du rock alphabétique. C'est même toi qui as assuré la lettre O avec ton excellent choix de pièces. C'est bon, hein? Ça m'a beaucoup plu. C'est un projet que je ne connaissais pas. C'est très progressif, tu aimerais. Oui, puis t'as le tour pour me faire découvrir des bons projets. Ça faisait longtemps que tu me parlais de Ange. Ben, je me suis décidé. J'ai été voir qu'est-ce que ça avait de l'air et j'aime beaucoup, c'est beaucoup pas mauvais, ça. Hein? Ah, c'est loin d'être mauvais. C'est très progressif. Ça me fait penser un peu à... C'est l'équivalent français de Genesis. Ça ressemble à Genesis un peu. Oui, exactement. Puis j'aime beaucoup l'émotion esthétique que dégage Genesis. Avant de commencer avec mon encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, je voulais amener une discussion sur le tapis, Danny. Oui. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi la semaine passée. J'avais beaucoup de temps pour réfléchir. Ben oui. Et je veux pas vous amener là tout le résultat de la dissertation, seulement la conclusion, OK? Et c'est une réflexion que j'ai eue à propos de, bon, l'incident qu'il y a eu avec Citron et les chiens de tête, pièce qu'on avait décidé de faire passer. OK. Okay. Et je sais que là, ici, je marche sur des œufs. Oui, parce que c'est faut pas trop en parler. Faut pas trop en parler, OK? OK. Deux choses. Je suis arrivé à deux conclusions, OK? Puis je pense que ça va vraiment bien clore le sujet, OK? Première des choses, j'aime tellement ce qu'ils font que je ne peux pas me résoudre à ne jamais en faire passer, OK? Première des choses, OK? Et deuxième des choses, je crois qu'aucune forme de censure, d'aucune forme que ce soit... peut être acceptable, surtout dans une radio qui a un mandat comme C'est fou, par exemple. Okay. Voilà pour ma discussion. Je pense que c'est rien de non, c'est parfait, t'as le droit de donner... Sauf que je voulais qu'on revienne là-dessus pour conclure. Il s'est dit beaucoup de choses à propos de ça. J'en ai entendu parler. Donc, aussi. Exactement. Donc, la conclusion de toute cette histoire rocambolesque. Tout à fait. Sinon, on va poursuivre directement avec quelque chose de tout à fait jovial. Il s'agit de la fameuse chronique de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, un livre tout à fait divertissant et magnifique. Génial. Aujourd'hui, on va entendre parler de l'horoscope Maya. Est-ce que ça t'intéresse, l'horoscope? Ben, bien sûr. C'est exotique comme sujet, n'est-ce pas? Donc, en Amérique du Sud, chez les Mayas, existait une astrologie officielle et obligatoire. Selon le jour de sa naissance, on donnait à l'enfant un calendrier prévisionnel spécifique. Ce calendrier racontait toute sa vie future. Quand il allait trouver du travail, quand il allait se marier, quand il lui arriverait un accident, quand il mourrait. On lui chantonnait dans son berceau, il l'apprenait par cœur et lui-même le fredonnait pour savoir où il en était de sa propre existence. Ce système fonctionnait assez bien car les astrologues mayas se débrouillaient pour faire coïncider leurs prévisions. Si un jeune homme avait, dans les paroles de sa chanson, la rencontre de telle jeune fille un certain jour, elle avait bien lieu car la jeune fille détenait exactement le même couplet dans sa chanson d'horoscope. De même pour les affaires. Si un couplet annonçait qu'on allait acheter une maison tel jour, le vendeur avait dans sa chanson l'obligation de la vendre ce jour-là. Si une bagarre devait éclater une date précise, les participants en étaient informés à l'avance. Ça prenait de la planification, par exemple. Oui, tout à fait. Tout fonctionnait à merveille. Le système se renforçant de lui-même. Les guerres étaient annoncées et décrites. On en connaissait les vainqueurs et les astrologues précisaient combien de blessés et de morts joncheraient les champs de bataille. Si le nombre de cadavres ne coïncidait pas exactement avec les prévisions, on sacrifiait les prisonniers. Comme ces horoscopes chantés facilitaient l'existence. Plus aucune place n'était laissée au hasard. Personne n'avait peur du lendemain. les astrologues éclairaient chaque vie humaine du début à la fin. Chacun savait où menait sa vie et même où allait celle des autres. Comble de prévisions, les Mayas avaient prévu le moment de la fin du monde. Elle surviendrait tel jour du 10e siècle de ce qu'ailleurs on appelait l'ère chrétienne. Les astrologues Mayas s'étaient tous accordés sur son heure exacte, si bien que la veille, plutôt que de subir la catastrophe, les hommes mirent le feu à leur ville, tuèrent eux-mêmes leur famille et se suicidèrent ensuite. C'était la fin du monde. Les quelques rescapés quittèrent les cités en flammes pour errer dans les plaines. Pourtant, cette civilisation était loin d'être l'œuvre d'individus simplistes et naïfs. Les Mayas connaissaient le zéro, la roue, mais ils n'ont pas compris l'intérêt d'une telle découverte. Ils ont construit des routes. Leur calendrier, avec son système de 13 mois, était plus précis que le nôtre. Et lorsque les Espagnols sont arrivés au Yucatan, au 16e siècle, ils n'ont même pas eu la satisfaction d'anéantir la glorieuse civilisation Maya, puisque celle-ci s'était déjà autodétruite fort longtemps auparavant. Cependant, il subsiste de nos jours des Indiens qui se prétendent lointains descendants des Mayas. On les nomme les Lacandons. Et chose étrange, les enfants Lacandons, pardon, c'est Lacandons. Lacandons. Donc, okay. Voilà. Il fredonne les airs anciens énumérant tous les événements d'une vie humaine, mais nul n'en connaît plus la signification précise. C'est merveilleux. C'est une belle histoire, hein, quand c'est même. Vraiment merveilleux. Est-ce que t'as envie qu'on poursuive ou est-ce qu'on passe directement à la musique? Ben, tu peux poursuivre, si tu veux. Ben, moi, je veux dire, j'en ai pour des heures et des heures, le dernier. Ben, tu peux en faire un autre petit article. Moi, contre ça. Bon, puis de toute façon, c'est tellement intéressant. Exact. Bon, quelque chose d'à peu près la même longueur. Oui, les auditeurs, je suis sûr qu'ils sont charmés. Parfait. Donc, on va entendre parler de Paul Caméraire. J'espère que ça se prononce pas Caméré, parce que je vais dire Caméraire tout le long. On le prend comme ça. Parfait. L'écrivain Arthur Koestler décida un jour de consacrer un ouvrage à l'imposture scientifique. Il interrogea des chercheurs qui l'assurèrent que la plus misérable des impostures scientifiques était sans doute celle à laquelle s'était livré le docteur Paul Caméraire. Caméraire est un biologiste autrichien qui réalisa ses principales découvertes entre 1922 et 1929. Éloquent, charmeur, passionné, il prônait que tout être vivant est capable de s'adapter à un changement du milieu dans lequel il vit et de transmettre cette adaptation à sa descendance. Jusqu'à date, c'est pas si fou que ça. Mm-hmm. Cette théorie était exactement contraire à celle de Darwin. Aussi, pour prouver le bien fondé de ses assertions, le docteur Caméraire mit au point une expérience spectaculaire. Il prit des œufs de crapauds des montagnes qui se reproduisent sur la terre ferme et les déposa dans l'eau. Or, les animaux issus de ces œufs s'adaptaient et présentaient des caractéristiques de crapauds lacustres. Ils se dotaient ainsi d'une bosse noire copulatoire sur le pouce, bosse qui permettait aux crapauds aquatiques mâles de s'accrocher à la femelle à peau glissante afin de pouvoir copuler dans l'eau. Cette adaptation au milieu aquatique était transmise à leur progéniture, laquelle naissait directement avec une bosse de couleur foncée au pouce. La vie était donc capable de modifier son programme génétique pour s'adapter au milieu aquatique. Caméraire défendit sa théorie de par le monde avec un certain succès. Un jour, pourtant, des scientifiques et des universitaires souhaitèrent examiner objectivement son expérience. Une large assistance se pressa dans l'amphithéâtre, parmi laquelle de nombreux journalistes. Le docteur Caméraire comptait bien prouver là qu'il n'était pas un charlatan. La veille de l'expérience, un incendie éclata dans son laboratoire et tous ses crapauds périrent à l'exception d'un seul. Caméraire dut donc se résoudre à présenter cet unique survivant et sa bosse sombre. Les scientifiques examinèrent l'animal à la loupe et s'esclaffèrent. Il était parfaitement visible que les taches noires de la bosse du pouce du crapaud avaient été artificiellement dessinées par injection d'encre de Chine sous la peau. La supercherie était éventée, la salle était hilare. En une minute, Caméraire perdit toute crédibilité et toute chance de voir ses travaux reconnus. Rejeté de tous, il fut mis au banc de sa profession. Les darwinistes avaient gagné. Caméraire quitta la salle sous les huées. Désespéré, il se réfugia dans une forêt où il se tira une balle dans la bouche, non sans avoir laissé derrière lui un texte lapidaire dans lequel il réaffirmait l'authenticité de ses expériences et déclarait vouloir mourir dans la nature plutôt que parmi les hommes. Ce suicide acheva de le discréditer. Pourtant, à l'occasion de recherches pour son ouvrage « L'étreinte du crapaud », Arthur Koestler rencontra l'ancien assistant de Caméraire. L'homme lui révéla avoir été à l'origine du désastre. C'était lui qui, à l'incitation d'un groupe de savants darwinistes, avait mis le feu au laboratoire et remplacé le dernier crapaud mutant par un autre ordinaire auquel il avait injecté de l'encre de Chine dans le pouce. Oh. Quelle histoire crève-cœur. Oui, c'est chiant. Oui, ah, c'est crève-cœur, tout à fait. Puis ça montre à quel point, je veux dire, c'est important dans le milieu de la science, l'objectivité la plus totale, même au détriment de son succès personnel. Et je pense que ça prouve bien que notre société, qui est orientée vers la performance, commet des ratés dans la mesure où est-ce que ça va engendrer des situations telles que celle-là au détriment de la plus simple et plus saine vérité. Tout à fait. Et c'est drôle, ça a rapport et ça n'a pas rapport, mais ça me fait penser à cette semaine, à un moment donné, quand j'étais en Jamaïque, eh bien, j'ai posé une question au barman qui s'appelait Don et que je salue et qui était, ma foi, véritablement sympathique et très, très gentil. J'ai posé la question parce que je voulais aller me promener dans la bouche, je voulais aller me promener dans la forêt. Oui. J'ai dit, en Jamaïque, quel est... Puis il y avait deux gars, il y avait un gars qui était au bar aussi. J'ai dit, c'est quoi la créature ou l'animal le plus dangereux en Jamaïque? Et de me répondre... C'est l'homme. Ben, c'est très sage. J'ai trouvé ça très sage et magnifique. Ben oui. J'ai trouvé ça d'une réponse magnifique parce qu'il n'y a pas véritablement d'animal dangereux là-bas. Il doit avoir un peu de serpent. Mais ben, on m'a dit que qu'est-ce qui était le pire? C'était une mangouste. Oui. Et qu'il y avait aussi un centipède qui s'y piquait. Était assez... Un centipède, c'est quoi? Un genre de... Tu sais, un mille-pattes, un gros mille-pattes immense. Un gros mille-pattes, si ça te pique... Ça, il te pique. Il paraît qu'il y a certaines personnes qui en meurent. Ouais, c'était assez venimeux là, comme insecte. Mais ouais. Il disait que c'était à peu près la seule chose. Parce mais imagine-tu vraiment... le gros mille-pattes, c'est horrible. Mais en même temps, on peut voir de la beauté dans toute chose. Exactement, mais la réponse que l'homme était la créature la plus dangereuse de Jamaïque, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était d'une justesse merveilleuse. Des histoires de touristes qui se sont fait attaquer en Jamaïque. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi je t'incitais à la plus grande prudence avant que tu partes en voyage. Et moi, ça a bien été, mais j'incite tout le monde quand même à la plus grande prudence. Peu importe où vous allez, de toute façon. Quand vous n'êtes pas chez vous, ben vous n'êtes pas chez vous. Vous n'avez pas... Exactement. Et à Rome, on fait comme chez les Romains. Exactement. Sur ce, eh bien, 12h30, on va aller vers une pause publicitaire. Et puis au retour, ben, on a une panoplie de nouvelles. Hein. On n'en a pas fait tout beaucoup. Tout à fait. Et il y a ma pièce musicale aussi au retour de la pause. OK, parfait. On va placer ça. Mais d'abord, c'est son... faut faire comme il faut. Hein. Tout à fait. On se revoit tout de suite de l'autre côté de la pause. Parce qu'on est des gens comme il faut. On est comme ça, nous. Au dîner de con. Ben oui, c'est ça. Mais il faut quand même aller prendre du temps, changer le CD. Mais on va faire ça à la vitesse des Québécois. Ça va être quand même assez rapide, vous allez voir. Ça se fait. Et puis, vous aimeriez pas que j'anime comme en Jamaïque. C'est beaucoup trop... Sloppy Joe. Non, mais c'est, ils mettent des pièces, sont gazés au bout, baisse le son, parle, monte le son, baisse le son, remet le son, reloupe la toune pendant 15 minutes. C'est long un petit peu. Ouais, c'est de la genre de radio commerciale poche. Wow. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Assemblage requis. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour. T'as pas la mauvaise qualité du téléphone derrière toi. Non, c'est ça. On t'entend clairement. Ouais, ça fait différent. Est-ce que vous voulez que je vous appelle pour vous sentir mieux? Non? Nous remettre dans le bain un peu. Kiwan, ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé. Aux dernières nouvelles, t'avais un nouvel emploi. Ouais, c'est ça. J'ai changé. J'ai eu deux différents emplois là, dans les derniers mois. Puis là, c'est ça, je suis libéré de mon dernier emploi très, très accaparant. Ah, t'aimais pas ça? C'était différent. C'était un autre monde. Là. Je travaillais dans le milieu du pétrole parce que là-bas, en Alberta, c'est ce qui fait vivre tout le monde. Mm-hmm. Puis c'est vraiment une autre mentalité, là, complètement, de travailler là-dedans. Donc, ça fitait plus ou moins avec moi. Tu sais, imaginez, là... un milieu très, très, très, très viril. Très... Ben non, ça ne fait pas parce que là, vous m'avez dans la face. J'ai comme une barbe longue puis je suis comme un peu malpropre. Odorant. Non, mais en tout cas, bref, tu sais, mettons, imaginez le milieu universitaire ou radiophonique universitaire et l'opposé complet, là, l'opposé au monde, là, ce qui a de rien de moins ressemblant à ça, c'est probablement travailler sur le milieu, là, sur le terrain, dans le milieu pétrolier. Là, c'est vraiment très, très dur physiquement puis mentalement aussi. Tu sais, les gens sont différents, mettons. Je veux pas les juger. Là. Non? Je les juge pas, mais ça sonne comme ça, mais... Ils sont différents. OK. Je vais juste dire différents. Ils sont spéciaux, ils sont particuliers. Mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, avant de faire ce travail-là, tu as fait aussi, tu étais camionneur pendant un bon moment. Juste pour ceux qui sont pas au courant trop de ta situation depuis les derniers mois, parce qu'on te parle à des moments un peu n'importe quand dans l'émission. Ouais, depuis. Surtout récemment, là, je vous ai pas appelé souvent. Là, j'étais sur des drôles d'horreurs là, récemment, mais c'est ça. J'ai fait des trucs. J'ai été camionneur quelques mois. Puis là, ensuite, j'ai été perforateur. Perforateur. Et en quoi ça consiste à être perforateur? Écoutez, honnêtement, là, ça m'a pris. J'ai travaillé 2 mois là, puis je dirais les 2 dernières semaines, je commençais à comprendre un peu exactement ce qu'on faisait. Oh, et puis là-bas, ils sont tellement habitués d'avoir du monde qui vient de partout dans le monde ou de d'autres provinces pour travailler, puis qui ne connaissaient rien là-dedans, qu'ils n'essaient même pas de l'expliquer. Là. Je posais des questions, ils disaient, tu vas comprendre là maintenant. Fais ça, là. Ils me donnaient des tâches très simples à faire, puis un jour, tu vas comprendre, mais il y a tellement de. Tellement d'affaires différentes. Puis en même temps, tu sais, l'anglais qui parle là, sur le terrain, tu sais, c'est des cow-boys. Oh, ouais, c'est des ça. Gars, ça doit pas être évident. Là. Non, c'est ça. T'sais, imaginez juste en français ici, là, t'sais, des gars de shop ou peu importe. Le français est différent un peu. Là, tu veux pas les juger, mais. Je veux pas les juger, mais t'sais, ils parlent différent. Mais là-bas, c'est pareil. T'sais, un anglais assez gras là, que j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre. Fait que, ouais, j'ai ça comme été dur, perdu. Ouais. Dans les 2 derniers mois, j'ai l'impression d'avoir été un touriste perdu à quelque part, mais d'avoir été payé pour le faire. Oh, youpi. Mais là, donc, t'es de retour au moins au Québec pendant quelques temps. Tu restes pas ici longtemps? Non, c'est ça. Je repars samedi matin très tôt. OK. Donc, tu retournes en avion? Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, je vais me retrouver un autre emploi là-bas. Là. Pas dans le même domaine? Peut-être, parce que c'est tellement payant que, ouais. Je me sens coupable de dire ça, mais c'est ridicule. Hein. Pour vrai, là, vous pleureriez, je pense. Si vous avez des autos là, puis que vous faites le plein à tous les jours puis vous trouvez que ça vous coûte cher, là, c'est hallucinant de voir le gaspillage d'argent qui se passe là-bas. Les compagnies sont tellement habituées de faire de l'argent. Puis là, en même temps, ils disent là, que là, le contexte économique n'est plus le même puis il faut qu'ils rationalisent les dépenses, tout ça. Mais quand même encore, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça avait l'air là, 20 ans, ça devait être l'enfer. Là, mais je me rappelle, moi, quand j'y étais, tout le monde avait des gros trucks, des pick-up, mais des affaires jackées, des affaires qui tu dis, tabarouette, c'est quoi, ça siphonne l'essence. Tout le monde, ça, même les grands-mères ont des pick-up. Pour vrai, c'est hallucinant. Là. Mais en plus, ce qui est vraiment, vraiment abrutissant, là, c'est j'ai entendu, puis c'était en même temps, il y avait un ton humoristique là-dedans, mais j'ai vu un gars une fois qui a arrêté le contact d'un camion parce que personne n'était dedans, puis il faisait pas froid. Là, c'était pas une question de qui repartirait pas. Ouais, mais il a arrêté parce qu'il marchait pas, tu sais. Puis le boss, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ben j'arrête le camion, personne n'est dedans. Il a dit, OK, mais c'est qui tu penses qui paye ton salaire? Toi, c'est les compagnies pétrolières. Fait que du gaz, là, tu vas en dépenser le plus que tu peux. Ben non, t'es pas sérieux. Puis il y avait un ton humoristique là-dedans, mais en même temps, ils le pensent, puis ils le font. C'est surtout ça, c'est qu'ils le font. Là. Le gaz, ils dépensent autant qu'ils peuvent là-bas. Puis tu sais, là-bas, là, les écologistes, là, puis les verts, là-bas, parlez-leur pas de ça. Ah non, t'es un sauté, là. Ouais, c'est ça. Faut que je suis comme undercover un peu là-bas. Faut que je cache mes origines un peu. Voyons donc, c'est hallucinant ce que tu viens de nous dire. Ouais, hein? C'est vraiment fou. Puis tu sais, juste dans la facturation, pour chaque travail qu'on fait, tu sais, des fois, j'avais des superviseurs qui étaient pas sûrs. Est-ce qu'il faut mettre tel montant pour ça? Puis ils appellent le boss, il dit, mets-le. Si t'es pas sûr, mets-le. On s'en fout s'il faut leur charger pour ça, tu sais, puis les billes, les factures, là, tu sais, ça gonfle ça, gros, c'est ça. C'est hallucinant. On rit, mais c'est pas ouais, c'est ça. Donc, non. Ceux qui nous écoutent en auto présentement, qu'il faut qu'ils aillent faire le plein. Ouais. On dirait que ça m'a comme choqué ce que t'as dit, mais bon. C'est un choc culturel. C'est ça, exactement. Tu réalises pas, c'est pas comme aller en Inde, là, c'est pas instantané. Quand tu mets le pied là-bas, tu es choqué, là, puis c'est hyper différent. Mais quand tu commences à connaître les gens, puis à découvrir comment le monde vit là-bas, puis en même temps, ce que je trouve presque épeurant, c'est que je commence à. À pogner le bille. Je m'achèterais pas un Hummer, là, mais je commence un peu à être habitué à ça, puis malheureusement. Mais je commence à veux pas à prendre leur rythme un peu. Puis à m'habituer à ça, c'est rendu comme normal. Là, ben, c'est sûr que, en fait, si les gens que tu côtoies, ils ont tout ça. Ouais. Il nous reste seulement 2-3 minutes. Est-ce que tu es allé voir depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, t'avais arrêté d'aller voir des spectacles parce que t'étais trop occupé, t'avais des gros. des grosses semaines de plusieurs jours d'affilée, après ça, un petit congé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est presque mon premier congé là, dans mes deux derniers mois là, que j'ai utilisé pour venir ici. Mais non, c'est vraiment dur, là, surtout depuis que je me suis installé à Medicinat. À Medicinat, il n'y a rien. Ce qui marche là-bas, c'est des radios commerciales classic rock de 90 à aujourd'hui. Là, des genres de show FM, là-bas, il y en a dans toutes les petites villes. Là. Une ville grosse comme La Tuque ont leur grosse radio commerciale FM style chaume, OK? Puis les seuls spectacles qu'il y a à Medicinat, ben, c'est soit des covers de groupes connus ou des groupes qui font là, des hommages. Ou, combien d'habitants à peu près? Ça peut avoir? Une cinquantaine de mille environ, Medicinat. Donc, c'est pas un village non plus. Il y a quand même, c'est quand même un minimum urbain. Puis il y a quand même aussi, plus que j'habite là, plus que je découvre, qu'il y a quand même aussi un certain milieu culturel. Il y a des centres de diffusion artistique, mais qui sont hyper marginaux. Donc, c'est vraiment pas... C'est dur à trouver. Puis c'est dur surtout d'avoir le temps de trouver quelque chose d'intéressant. Mais au côté musical, à Medicinat, là, c'est vraiment très rare. Puis Calgary, ben, c'est à 3 heures quand même. Fait que tu vas pas là un soir de semaine. Non, c'est ça. Ça fait quand même loin, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais essayer d'en profiter pendant que je suis ici, là. Autant que je peux. Profiter de nos CD, c'est ça que tu veux? Entre autres. on reçoit pas grand-chose de très, très bon. non, mais c'est assez, c'est vrai. Kiwan, on va te reparler, j'espère, bientôt au téléphone, parce que c'est tout le temps qu'on avait pour te parler aujourd'hui. Tu connais le numéro? Oui. Je pense. Quand tu veux. J'imagine. N'importe quand. Okay. Tous les jours, si tu veux. Parfait. Sinon, peut-être que je repasserai vous voir bientôt. Ah oui? Ouais, peut-être. Alors, je pense avant de partir. Ouais, peut-être. Ok. Ouais, j'essaie. Tu t'amèneras de la musique, n'importe quoi. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Donc, merci beaucoup, Kiwan, en cavale, en Alberta, et là, en ce moment, en direct de nos studios à Trois-Rivières. Quel privilège. Ben, merci à vous, les gars. Merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Saviez-vous qu'aujourd'hui, eh bien, se ouvre au Palais des Découvertes à Paris une exposition consacrée au 50e anniversaire du premier vol spatial habité, donc baptisé Yuri Gagarin, une révolution. Donc, ce premier voyage dans l'espace, le 12 avril 1961, a renversé les bases de la science et notre vision du monde. Le ton de la soirée parisienne consacrée à Yuri Gagarin est donné par Nikolai Biryukov, directeur général de l'agence presse russe RIA Novosti, dont le personnel a sélectionné les photographies nouvellement exposées au Palais de la Découverte. Ainsi, 50 ans après l'exploit de Yuri Gagarin, cet exploit fascine toujours et même plus que jamais, car au cours du premier vol spatial habité de l'histoire de l'humanité, il y a non seulement effectué une révolution complète autour de la Terre à bord du vaisseau Vostok, mais aussi ouvert l'accès de l'homme à l'espace. Une véritable rupture que le Palais des Découvertes a donc voulu célébrer en images au travers de l'exposition Yuri Gagarin, une révolution, conçue par l'agence de presse russe avec le soutien des agences spatiales françaises, européennes et russes, Roscosmos. Elle présente une série de 33 photographies et infographies et vidéos sur ce vol historique. Elle comprend également des clichés de la poursuite de l'exploration de l'espace, les photos de la première femme cosmonaute, Valentina Terechkova, ainsi que celle de la station spatiale Mir et de la station spatiale internationale. Une source d'inspiration pour de nombreux astronautes lors de l'inauguration de l'exposition. Les plus grands spationautes européens, dont les Français Jean-Loup Chrétien, premier Français dans l'espace en 1982, et Jean-Pierre Aigneré, ont salué le courage de cet homme qui a accepté d'entreprendre ce voyage hors du commun, alors que personne ne savait à l'époque comment préparer quelqu'un pour un tel périple. Nouvelle recrue de l'ESA, le Français Thomas Pesquet, de 33 ans, a expliqué avoir énormément d'admiration pour Yuri Gagarin, ainsi que pour les astronautes qui ont emboîté le pas, et d'avoir à cœur de véhiculer toutes ces valeurs humaines, ainsi que de perpétuer un tel succès technologique. Deux films inédits projetés à l'occasion de cette soirée ont beaucoup mis l'accent sur la personnalité de Yuri Gagarin, qui était très ouvert, bienveillant et qui n'a jamais cherché à se démarquer. Très admiré par les citoyens du monde entier et pas seulement en Russie. Suite à cela, Jean-Pierre Agnéré, astronaute de l'ESA et précédemment du CNES, donc a déclaré, et je le cite, « C'est quelqu'un qui nous donne envie de continuer et d'aller encore plus loin. » Et aller encore plus loin, mais loin jusqu'où? Eh bien, quelles seront les prochaines étapes de la conquête spatiale? C'est ce qu'on se pose, qui semble être un peu morose ces dernières années depuis la course, depuis que la course s'est ralentie à la fin de la guerre froide. Je les cite, on essaye de s'approprier l'environnement, de le maîtriser, cela prend du temps. Maintenant, il est temps d'y retourner, d'aller voir au-delà de l'orbite de base terrestre. L'avenir, à l'avenir, pardon, on veut aller vers la Lune et surtout vers Mars, répond Thomas Pequette, premier Français à avoir voyagé dans l'espace. Jean-Louis Chrétien, lui, compare la situation actuelle à celle des marins aventuriers du 18e siècle qui ont d'abord navigué sur les fleuves et puis finalement qui ont décidé tout un coup de traverser l'Atlantique. Michel Tognini, donc chef du Centre européen des astronautes, renchérit. On est dans un contexte où on peut partager nos moyens et nos ressources et c'est un moteur. La coopération internationale paraît donc incontournable dans le futur. Un responsable de l'ESA fait même pari qu'elle va s'élargir donc dans l'équipe de Mars 500 qui simule un voyage vers la planète rouge depuis juillet dernier. Il y a un Chinois et c'est la première fois dans une équipe internationale. En attendant ces prochaines étapes qui nous paraissent encore comme appartenant au domaine de la science-fiction et du futur lointain, eh bien, les astronautes continuent de s'entraîner très dur et de rêver des étoiles comme le faisait Yuri Gagarin, le 12 avril 1961. Et puis, quelle autre pièce pour rendre hommage à ce Yuri Gagarin que la pièce Yuri des trois accords que je vous offre à l'instant? Calling Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Un petit chat. Un petit chat ce matin. J'allais transitionner avec une façon de... Je vais laisser faire le féminin. Ouais. Ouais. Voici, veux-tu sortir avec moi? On va dire chaton, mettons. Encore là. Chaton, ça porte à confusion, mais ouais. Bon... Je peux juste m'appeler Émilie aussi. Hein. Émilie Gauthier? Ouais. C'est ton nom? Ben, je pense. Quand j'ai défini ton nom de famille comme si... C'est pas pire quand même. Ben, ouais. Donc, il y a Émilie Gauthier qui vient nous parler de plein air comme à chaque semaine. Et aujourd'hui, tu nous amènes des suggestions de tes amis. Oui, parce que comme tous les débuts avril, c'est comme la saison plate des chroniques plein air. C'est un entre-deux, hein? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de sites qui ferment aussi à la fin mars. Il y en a que c'est tout dépendamment de la neige qui reste. On s'entend que dans le coin, même dans les champs, il reste plus tant de neige que ça. Pas vraiment. Faut vraiment aller plus dans le bois. Puis, les cabanes à sucre, c'est fini pas mal aussi. On a parlé la semaine passée, mais c'était vraiment sur sa fin déjà. Ben mettons cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais après ça, d'après moi, ça va pas mal être terminé. Ouais. La neige fond rapidement, c'est difficile à trouver des endroits sans aller marcher dans la boîte. Fait que j'ai fait un appel à tous, puis j'ai reçu quelques suggestions où la neige est assez présente pour pratiquer les activités plein air. Oh, oh, oh! C'est sûr que c'est peut-être pas des lieux dans le coin ici, mais bon, je me suis dit, il y a du monde qui vient de Québec, ils vont peut-être aimer ça que je parle des lieux de Québec aussi, du monde qui aime peut-être plus de Sherbrooke, donc je parle un peu de tout. Mais j'ai besoin de votre aide aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais non, mais je parle aux auditeurs des fois, comme, mettons, je reçois assez de suggestions pour la semaine prochaine, je pourrais peut-être faire une autre chronique suggestion des auditeurs. Ben oui. Écrivez-nous sur Facebook, sur la page d'Assemblage requis, c'est simple. Hein? Ouais, ben j'aimerais oui. Ça. Ce serait sympathique de votre part. Ça m'aiderait. Mm-hmm. Donc, on a quand même quelques places intéressantes aujourd'hui à couvrir. Commençons par le Mont de Ski Saint-Anne. Le ski de Mont... Mont de Ski Saint... Comment on dit ça? Mont-Saint-Anne. Hey, j'ai comme inversé deux mots. Hein? Ben, c'est ça, je me disais, Mont de Ski Saint-Anne, c'est comme... Ski au Mont-Saint-Anne. Le ski au Mont-Saint-Anne. Bon. Ben ouais, c'est ça. Oui, ben, c'est encore ouvert. Les 66 pistes sont encore ouvertes. Je sais peut-être, ça va peut-être plus vers le ski de printemps, par contre. Le site web est mis à jour quotidiennement. Là, hier soir, on voyait que les 66 pistes étaient encore ouvertes. Le ski, par exemple, les pistes de ski de fond sont toutes fermées depuis avant-hier, là, depuis le 3. Okay. C'était la dernière journée, donc j'imagine que vous pouvez vous risquer, mais ça doit être parce que c'est rendu un peu plus sur la boîte, la neige, fait que c'est peut-être pas une bonne idée. Non, c'est pas plaisant. Le mont est plus ouvert les soirs non plus, donc c'est vraiment dans la journée, là, c'est environ 8h30, 9h à 16h, là, tout dépendamment des jours. Est-ce que les tarifs sont les mêmes? Oui, c'est quand même. Ben, c'est le tarif de jour, là. C'est environ 55$ par personne. C'est moins cher que c'est de soir d'habitude, c'est ça? Le soir, normalement, c'est un petit peu moins cher. Ouais. Je pense que c'était 45, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même cher. Ben, je trouve ça cher, moi. Ouais. Mais pour 66 pistes, c'est sûr que Mont-Tremblant, Mont-Sainte-Anne, c'est quand même plus dispendieux. Oh, non, c'est des montagnes plus hautes qui ont plus de pistes. C'est sûr. C'est pas Mont-Carmel, mettons. C'est sûr. C'est plus touristique aussi. Oui, c'est sûr. Ben, je pense que s'il y a quelqu'un, une dernière poussée de j'ai le goût d'aller faire du ski. Ouais, ça peut être une bonne place. Ça vaut peut-être la peine. C'est quoi, environ 2 heures d'ici, 45 minutes de Québec. C'est ouvert jusqu'au 25 avril, selon la température. C'est sûr que si le 20 avril, il n'y a plus de neige, j'imagine qu'ils vont fermer quand même. Vous pouvez vous rendre au www.mont-sainte-anne.com. Il faut exprès, c'est sainte au complet en plus, c'est S-A-I-N-T-E. Oui. Mont-sainte-anne.com. Pour les conditions des pistes puis toutes les informations nécessaires, puis on voit vraiment si toi tu veux faire la piste le grand versant, ben tu peux aller voir si elle est ouverte là. Fait que le site est quand même ça très c'est cool bien. Hein, c'est bien fait. Le site est quand même très bien détaillé. Mm-hmm. On remercie Geneviève Roy pour la suggestion de celle-là. Alors, on passe au parc national de la Jacques-Cartier. Oui, superbe paysage, le territoire est vraiment propice à la marche en forêt. Là, c'est sûr que les raquettes sont peut-être un peu moins de mise tellement que la neige est tapée, mais les conditions sont encore excellentes. Il y a vraiment un beau plateau montagneux avec avec beaucoup de vallées. C'est environ une trentaine de kilomètres pour la marche, là, coupé découpés en sentiers de 8 à 11 km environ. Le site va offrir 8 pistes débutantes, 2 intermédiaires et 1 piste avancée. C'est comme dans tous les parcs nationaux, 3,50 $ par adulte, 1,50 $ pour les 6 à 17 ans. C'est environ 1h30 de l'université, là, c'est un peu à l'ouest de Québec à peu près, mettons nord-ouest de Québec. C'est ouvert toute la journée, puis on peut se rendre au www.cepac.com/pq/JAC. Ouais, et vraiment très aidant, ces adresses-là sont faciles à retenir, j'aime ça. J'aime ça. cepac.com/pq/JAC, c'est n'importe quoi. Mais sinon, rendez-vous sur cepac.com, toutes les pages sont là, sinon Assemblage Rec. Ben, j'irai plus avec ça, moi personnellement. D'accord, plus ça. Hein? C'est encore plus simple. Assemblagerequis.com. Comment ne... C'est fou.ca, c'est encore plus facile. Bon, bon. Est-ce qu'on fait un concours à google.com, chercher c'est fou? Non. OK. Si tu vas sur Google, tu cherches Parc national de la Jonquière-Cartier, je pense. Bon, ben c'est un beau débat, tout ça. On remercie Gabriel Rodrigue pour l'idée de parler du parc national de la Jacques-Cartier. On passe au massif de la Petite Rivière. Oui, c'est une montagne qui surplombe le Saint-Laurent. C'est un repère naturel pour l'aventure et l'action. C'est un lieu parfait. On dirait un slogan là, que tu viens d'inventer pour eux, là. Ben oui, mais c'est ça. C'est un repère naturel pour l'aventure et l'action. Le massif de la Petite Rivière. Non? Eh ben, c'est à côté de Maman Fournier. Non? Oui, ça a l'air vraiment beau, hein. Ah, tu as jamais été? Non. C'est, pour vrai, c'est hallucinant. Bon. Ben, conseil, défaut. Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Et c'est pas loin. Les gens pensent souvent que c'est très loin, mais c'est pas loin. Ben, me fait 5-3 heures. Mais, hey, crime, c'est pas comme si c'était déplaisant, ça en est là-bas, dans le sens où tu vois des montagnes. La route est belle, ouais. Tu vois le fleuve aussi, donc c'est vraiment. Tu passes par Sainte-Anne aussi. C'est vraiment. Non, ça vaut la peine. Et puis, moi, je me dis, tant qu'à aller à Sainte-Anne, continuez un peu plus loin. Mm-hmm. 3 heures de route, ça renforce le coup. C'est une demi-heure de plus, là. Oh, non, c'est ça, c'est vraiment pas loin. Sainte-Anne, c'est 2 heures et demie. Ça, c'est 2 heures et demie, 3 heures. Fait que. Non, c'est pas loin. Bon, fait que c'est vraiment une belle place pour le ski. Mm-hmm. Ouais, ski, planche, peu importe. Là. Tout à fait. Et puis l'aspect visuel est très, très beau, dans le sens que tu as l'impression de vraiment tomber dans le fleuve. Même pas de descendre, de tomber. C'est vraiment. Les photos étaient assez hallucinantes. Il faudrait peut-être que faire un tour. Tu pars d'en haut aussi. Ce qui est très cool, dans le sens où tu arrives le matin, tu gèles pas en montant les okay. Le stationnement est comme en haut, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement. T'arrives en haut, tu peux descendre, tu peux acheter ton billet en bas si tu veux pour remonter. Ouais, c'est très cool. Et puis, en fait, là, si t'es chanceux, chanceuse, et puis il y a neigé la veille, en fait, là, t'es comme dans la poudre aussi, en descendant. Wow. Parce que personne n'a passé, c'est vraiment cool. Ouais. Très belle place. Très, très, très belle. J'aime ça. A gagné mon cœur. Parfait. Mm-hmm. Ben, sais-tu quoi? Le 9 avril prochain, là, c'est tout bientôt, il y a un événement spécial qui s'appelle Splash. Splash! C'est... François, voyons. Oh boy! J'en surpris partout. C'est un bassin d'eau de 60 pieds à traverser en prenant sa vitesse à l'aide d'une pente de neige. Là. Donc, ils font un événement pour célébrer l'arrivée du printemps. OK. Donc, tu t'amènes du linge de rechange. Oh ouais. Pas chouette. Mathieu a l'air très réticent à l'idée. Mais c'est vraiment un événement qui pogne, pour me permettre l'expression. Là. Je serais curieux d'essayer ça. Je sais pas si c'est vraiment dur à traverser. Si tu as déjà fait du ski nautique, j'imagine que ça doit être un peu l'équivalent de garder tes skis dans les airs c'est ou quelque chose. Mais c'est pas mon cas. Fait que non, moi non plus. Fait que je sais pas. Pis sinon, en soirée, il y a un party avec 2-3 bands de la région, là, du blues, boogie, peu importe. Là, c'est boogie ça. Blues Band. Ça avait de l'air. Ouais, c'est ça. C'est ça le nom du groupe? Ouais, c'est un groupe de Charlevoix, en fait. Bon, qui réinterprète des chansons des Colocs, entre autres. Ah, bon, c'est ça. Puis il y a un autre groupe après. Ah! Bon, c'est pas avec beaucoup d'alcool, j'imagine. Ça doit être une belle soirée. Ouais, ça doit être une belle soirée. Belle soirée bien arrosée. Quelque chose d'agréable. Avec une belle journée dans le corps aussi, ça doit être le fun. En tout cas, c'est un événement assez unique. Il n'y a pas ça partout, puis ça demande des installations. Donc, c'est situé à Petite-Rivière-Saint-François. Moi, je trouve juste le nom de la ville, c'est le fun. Ben, Saint-François, déjà en partant, tu te dis, bah. Wow, ça doit être très beau. Uh-huh. Okay. Bon, OK, laissez faire. C'est ça, on dit, c'est environ, mettons, 2h45 là, pour arrondir, tout dépendamment de votre vitesse sur la route aussi. C'est une 50aine de dollars par jour pour les adultes. C'est ouvert de 8h30 à 16h. On peut se rendre au www.lemassif.com pour s'informer un peu plus sur les dates de fermeture au cas où la météo changerait. Là, il y avait de l'air de dire qu'il fermait bientôt. Donc, moi, je dirais peut-être d'aller sur le site web ou même d'appeler la veille. Ouais, renseignez-vous avant de vous déplacer. N'importe quel endroit, là, je pense, ces temps-ci, c'est d'appeler. Et puis, une nouveauté, d'ailleurs, cette année au Massif, c'est il y a des cabines... des cabines là, pour monter le... Des chairlifts, mais... Ouais, fermé, là, des... Des gondoles. Des gondoles, ouais. Exactement, exactement. Mais flambant neuf. Wow. Flambant neuf, c'est très... Je te crois. Il nous reste une dernière place. Oui. Émilie, on va remercier quand même la personne qui t'a suggéré le massif de la petite rivière, Jean-Michel Gendron. Oui. Thank you. Il y a beaucoup de goût. Bon. Jean-Michel. Bon. Sais-tu quoi? Non. J'ai mon coin. Oh! Melocheville! Valleyfield. Ouais. J'aime mieux dire Melocheville que Valleyfield. Je sais. D'abord, mais Melocheville, il y a 4000 habitants. Ah, que... C'est une toute petite ville. C'est petit. Ouais. Il nous reste entre C, mes racines. Oui. Comme endroit. C'est pas nécessairement un endroit de plein air où est-ce qu'on peut aller passer une journée, puis je me retourne chez nous après. Là. C'est vraiment, dans le fond, c'est des éco-gîtes en forêt. Donc, moi, je pense que présentement, on a tout besoin d'un peu de pause par moment, de relaxer et avec la belle fin de session, changement de saison. Mm-hmm. Hey, mais je t'arrête vite, vite. C'est quoi un éco-gîte? Il y en a qui n'ont pas d'électricité, il y en a qui ont de l'électricité. Ta toilette est un peu à l'extérieur de la maison. C'est une bécosse. Ben, des fois, elle est comme à même la maison, mais comme isolée, si okay. tu veux. Mais dans le fond, c'est comme un chalet, mais écologique. Là, t'sais, okay. Le chauffage, il est fait avec un foyer puis des trucs comme ça. Là, c'est, c'est des petits chalets dans le bois, mais t'sais, pas de luxe. Là. En tout cas, va voir sur le site, ça va te donner une idée. Pas de luxe, mais c'est quand même plus luxueux qu'une tente. Oui, ben tu sais, c'est juste pour dire que t'as pas Wi-Fi, puis... Bluetooth. T'as pas Internet, la télé, l'antenne, puis... Mais c'est beau, là. C'est ça? C'est fou, là. C'est très beau. C'est vraiment beau. En tout cas, petite description provenant du site web, là, les chalets éco-gîtes en forêt s'harmonisent avec le merveilleux paysage des cantons de l'Est. Nos éco-gîtes favorisent la détente, l'évasion et le contact unique avec la nature. Décrochez, ressourcez-vous et pratiquez vos activités en plein air en toute saison sur notre domaine de 175 acres. Retrouvez votre espace. C'est, moi, ça me donne vraiment le goût d'y aller, en tout cas. Oh, ouais. Ça fait deux personnes qui m'en parlent, puis je me suis dit, ben là, faudrait que j'en parle à un moment donné. C'est 9 éco-gîtes qu'on peut louer. Là, je pense qu'il y en a un 10e qui est en train de se bâtir. Il y a tous des thèmes différents. C'est toutes des grosseurs différentes. Ils ont tous des petits noms. Il y en a un, c'est le ruisseau parce qu'il est proche d'un ruisseau. Ah. Puis tu l'entends de ta fenêtre. Là. Puis il y en a un autre que... Ferme la fenêtre, bearer! Je suis allé d'entendre le petit ruisseau. Me donne envie de pépé. Il y a un labyrinthe en forêt pour aller marcher. Sinon, il y a quand même... Le boisé, là, c'est quand même un beau territoire. Tout est fourni sur place. Il y a la vaisselle, il y a le savon à vaisselle. T'as vraiment juste à apporter comme ta nourriture, ton sleeping, ton linge, puis tout en business. L'Internet, il est disponible au chalet central. Donc, si Mathieu, tu te sens sevrage, bon. Tu peux te rendre au chalet principal, puis il y a Internet si tu veux. Je sais pas. Si t'es là-bas pour te ressourcer, va pas sur Internet à. Non, c'est voyons. Ça. Mais tu sais, des fois, si tu veux aller faire tes travaux bien tranquille, ouais, peut-être. Ton ordi, tu veux être comme juste... Mais il n'y a pas d'électricité. Hein? Pas toutes. Pas toutes. Il y en a que oui, il y en a que non. Je pense pas vraiment que je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde en parlant de tout ça. Là. C'est pas tout le monde qui goûte une retraite tranquille pendant 2-3 jours. Justement, pas d'Internet, pas de télé. T'es vraiment dans la nature. En grosse saison, t'apportes vraiment tes raquettes, tu pars dans le bois. Là, les sentiers sont assez tapés, on a juste à s'apporter une bonne paire de bottes. Mais t'sais, ici, on peut quasiment se promener en sandales tellement qu'il n'y a plus de neige. Ouais. Donc, si on a vraiment un petit dernier coup de nostalgie. Puis c'est vraiment ouvert 4 saisons, c'est vraiment beau. Là. Je me suis promenée sur le site bon bout de la soirée hier. Là, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis c'est ça, c'est situé à environ 2h15 de l'université, c'est à Eastman. Les tarifs changent selon l'éco-gîte choisi. Donc rendez-vous sur le site web là, si vous voulez avoir les plus d'informations. Puis sinon, il faut réserver aussi à l'avance, étant donné que c'est quand même un petit chalet, mais il y a quand même des disponibilités là, pour l'été à venir. Site web www.entresimesracines.com, sim et racines au pluriel. C'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de beau, même pour cet été, si vous avez le goût de, d'aller vous isoler un petit peu. Là, c'est, moi, j'ai vraiment un coup de foudre. C'est très beau. J'ai une de mes amies qui avait été là avec sa famille il y a quelques années. Puis sinon, il y a une dame à mon stage, elle est en train de toutes les faire un par un là, parce ouais. qu'elle aime vraiment ça. Je suis comme « wow, je vais y aller ». Bon. Bon. Parce que ça, j'ai donné des suggestions, mais les conditions sont encore belles au parc de la Mauricie. Je me suis informée, t'sais, c'est encore praticable. Il y a des sentiers un petit peu moins, mais on reste un petit peu plus haut, on est dans le bois, fait que les sentiers sont encore bien beaux. Sinon, pour les prochaines semaines, je pense que la meilleure idée, c'est d'appeler les endroits la veille avant de vous y rendre. Ou si vous partez sur un coup de tête, appelez quand même à deux ou trois endroits, savoir les conditions, puis c'est ça. Amusez-vous. Amusez-vous, bon plein air, et à la semaine prochaine. Soyez prudents. Oui. Toujours. On apporte sa boussole pour pas se perdre. Ah, pas de Google Maps là-bas. Pas de non, Wi-Fi. Non, pas de Wi-Fi. Ça va pas bien. Alors, merci à Marie-Claude Drouin pour cette dernière suggestion d'entre ses racines. Je pense qu'on avait oui. pas. Est-ce qu'on avait mentionné son non. nom? Peu importe. Non. Donc, merci à tout le monde qui t'ont donné des suggestions. Et on rappelle que vous pouvez écrire à Émilie sur la page Facebook d'Assemblage Requis pour lui suggérer des endroits d'ici s'il la vous fin. S'il vous plaît. Il nous en reste quoi? Il reste deux chroniques. Là. Deux ou trois, là? Deux ou trois, là? Deux. Je sais plus. Deux. Il reste deux. Trois en comptant celle-là que tu viens de faire. Voilà. Bon, ben, aidez-moi. Donnez-moi des suggestions. Peut-être des fois, il y a des sujets aussi sur lesquels vous aimeriez que je jasette un peu dans les prochaines deux prochaines chroniques. Ouais. Là. Et si des fois, en fait, un auditeur veut pas que tu abordes un sujet, est-ce qu'il peut quand même te l'écrire pour ouais. te dire de pas aborder ce sujet? Genre, toi, tu veux le réserver pour lui-même faire une chronique plus tard, lui, peut-être? Peut-être. Ben, dites-moi-le si Émilie Tailleul, je veux pas en entendre okay. parler. Il n'y a pas de problème. Cool. Je suis bien ouverte aux suggestions. Ouais. Mais tu sais, soyez pas vulgaire non plus. Non. C'est sur Facebook, c'est public, cette affaire. Ouais. Ouais. Donc, merci, Émilie. Ben, de rien. À la semaine prochaine. Bye-bye. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va pouvoir au moins savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais il y a un lien, là. Mardi Malaise et Roscoe se passent le même jour. Tout à fait. Et y a aussi, quelque chose, chaque là. Fois que Monsieur Rémi me fait l'horoscope, je ressens un profond malaise vu que ma vie est exposée au grand jour à la radio. Eh bien, messieurs, aujourd'hui, on va essayer de... On va voir si le malaise arrive avec nous ou non. Ça faisait maintenant deux semaines que j'étais pas avec t'es vous. T'es tout beau bronzé, Rémi, ben, t'es merci, merveilleux. Merci, Dani aussi. On a profité de ce qu'on appelle des vacances enceinte. Dans le sud. J'ai l'air enceinte aussi, possiblement. Je veux dire, de bonnes idées, t'as l'air enceinte de bonnes idées. Oui, oui, et je suis d'ailleurs ici avec des cartes bien saintes aussi, pour faire un lien, un jeu de mots excellent, ma foi, oui. Directement en onde. Aujourd'hui, messieurs, je vous emmène dans un autre univers une fois de plus, de la compréhension du monde et de notre avenir, évidemment. L'horoscope est là pour ça, pour savoir comment les choses... Gérer le mystère. Effectivement, gérer un mystère, et non, pas seulement le mystère, mais gérer aussi le futur connu. Donc souvent, l'inconnu deviendra un jour connu, et là, on peut le connaître d'avance. Alors, c'est magnifique. Mais n'est-ce pas aussi... Comme là, un peu lire le téléhoraire de sa vie. Oui, exactement. N'est-ce pas là la meilleure façon de combattre l'angoisse de l'inconnu? Je veux dire, tu sais, vous êtes tanné d'avoir à dealer avec votre futur, ben, passez-vous-en. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est comme un peu le télé-hebdo de ta vie. C'est comme un télé-hebdo, on lit des synopsis sans trop savoir ce que ça veut dire. On se dit, ça a l'air bon. Mais on sait que ça va être dans le futur. Oui, on se prépare un popcorn dans le micro-ondes puis on attend à voir si c'est bon ou pas. Oui, mais il y a quand même des fois des garanties, là, comme, je veux dire, Sean Connery en début de carrière ou John Candy. Oui, mais écoute, Sean Connery n'a pas fait que des bons succès non plus. John Candy non plus. J'ai choisi deux excellents exemples. Mais écoute, ceci étant dit, Pierce Brosnan m'a toujours surpris, même quand il a joué dans Madame Doubtfire. Ben oui. Il a joué dans Madame Doubtfire. Il faisait le beau-père, l'autre mari de la mère des enfants de Robin Williams. Pour vrai, ça, c'est magnifique. Mais moi, c'est dans Highlander que j'ai trouvé Sean Connery particulièrement magnifique. Là, habillé en genre de grand tantous espagnol, son destrier, là, c'était tellement nice. Là. Il faisait vraiment viril, puissant. Je veux dire, un role model pour tous les jeunes hommes de notre époque. Hey, j'ai juste pour vous enlever dans votre trip de Connery. Là, eh bien, j'ai un auditeur qui me confirme, ils ont été vérifiés sur le site, c'est bien Anita, la même Anita qui interviewait Fidèle Lachance. Là, je suis content. C'est quand même quelque chose, je voulais pas vous couper. Non, mais c'est tout à fait. C'était quand même une première... Tu sais, je veux dire, quand il y a une bombe qui explose sa planète, il coupe les programmes puis en parle, ben c'est un peu comme la même chose. Exactement, oui. C'est une bombe de popularité qui est en essor. Qui vient d'exploser dans le front. attention à tous les rats de marée qui s'en viennent sur le bord du Saint-Laurent. Anita est prête. Messieurs, aujourd'hui, j'amène mon jeu de tarot de Marseille. Évidemment, yes. Le jeu de tarot de Marseille, c'est pas comme un jeu d'échecs, ni non plus de serpent et échelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de dés et il n'y a même pas de pions. Est-ce qu'on peut gagner quelque chose? Est-ce qu'on peut gagner quelque chose? Oui, on peut gagner un avenir prometteur. Voilà ce qu'on peut gagner. Et je sais qu'ici même en studio, au Dîner de cons, on a souvent des avenirs prometteurs avec nous. Juste à regarder autour de moi, j'en vois deux merveilleux. Et écoutez, ce que j'amène avec moi, c'est un jeu de tarot que je viens d'ouvrir. J'ai des faits avec le bout de plastique tantôt. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais utilisé encore et je veux vous montrer à quel point il est facile de pouvoir lire son propre avenir ou encore mieux lire l'avenir d'une émission de radio telle que celle qu'est les Dîners de cons. Oui. Alors, j'ai avec moi ici un paquet de cartes. J'en ai déjà retiré deux. Préalablement, mais je laisse Charles-André, qui est toujours mon sujet. Ben, c'est correct, c'est le test. Couper le paquet de cartes en deux. Alors, j'ai un paquet de cartes ici. Le c'est un peu comme notre rat de laboratoire. Oui, et voilà, tu l'as coupé en deux. Et la carte du dessus, on va la prendre. Alors, prends-la, imprégnant de ton énergie positive et ou négative. À est-ce qu'il la regarde ou non? Oh, il peut même la regarder. Il va la retourner vers nous. Oh! Ou vers lui, devant lui, sur la table. Alors, tu peux la déposer sur la table. Et là, on peut reconnaître une carte ici qui ne nous dit pas grand-chose. C'est un 5 de denier. Alors, évidemment, on a pensé au dîner de cons. Tu vois, le 5 là, est un chiffre très important en ce moment dans ma vie. Oh! Oui, je viens récemment de trouver un emploi au Pentagone. Oh! Oui. Je veux dire, je suis chargé de surveiller Lady Patate 24 heures sur 24. Ah. Sinon, aussi, dans mon groupe de musique, il y a 5 membres, comme des Beatles. Oh! Ben oui, George Martin, ben c'était le 5e Beatles. Exactement, tout à fait. Donc, on n'en finit plus de trouver des liens là, avec le chiffre 5. Là. Ben oui, comme les 5 doigts de la main. Oui, les 5 doigts de la main ou Blanche-Neige et les... 5 nains. Oui, il y en avait 2 qui étaient restés dans la mine. Ils étaient pognés avec les Chiliens. Ils étaient en dessous de la jupe, de la fille. Là. J'adore être au Dîner de cons, les gars. Vous m'aidez toujours à pouvoir trouver ma page plus rapidement sans avoir l'air de chercher en onde. Exactement. Eh bien, j'ai déjà trouvé la page du 5 de denier. Alors, sans même avoir lu les instructions de ce manuel d'emploi, et c'est un peu comme monter un meuble IKEA sans savoir vraiment où vont les vis. J'ai ici le 5 de denier devant moi qui est la lame d'avertissement. Alors, évidemment, c'est toujours des lames. On va savoir pourquoi. Le jeu de tarot, en fait, le tarot de Marseille, ben, ça le dit, Marseille, c'est dans le sud de la France. Et en fait, c'est souvent basé sur des cartes qui étaient espagnoles à l'époque. Et les cartes, c'était des cartes à jouer avec lesquelles on jouait réellement. Il y avait des jeux de tarot là, comme un jeu pour comme un jeu de cartes, ouais, comme un jeu de cartes, mais qui a éventuellement évolué et que les gens se sont mis à utiliser pour pouvoir un peu lire leur avenir, deviner ce qui s'en venait devant eux. Et évidemment, les dieux de bonne aventure, les boules de cristal étant de plus en plus chères, le cristal se faisait rare à l'époque, ils ont décidé de tourner vers les cartes à jouer. Beaucoup plus facile à utiliser, tout le monde en avait chez eux. Alors j'enchaîne immédiatement avec le 5 de denier, qui est la lame d'avertissement. Le nombre 5, tu vois, Charles-André nous dit, signe de changement et d'évolution. Le nombre 5 est représenté par le pentagramme, l'homme et l'univers, les possibilités infinies qui s'offrent à toute personne consciente de son potentiel. Alors là, on parlait du dîner de cons ici. Alors évidemment, il y a un potentiel au dîner de cons qui est présent. C'est justement le 5 est en général un symbole d'individualité dans la mesure où est-ce que, bon, il y en a qui diraient c'est pas un. Non, dans la mesure où est-ce que 5, c'est associé, comme tu dis, au pentagramme. Et puis le pentagramme a souvent été le symbole de plusieurs choses. Bon, je veux dire, du satanisme, premièrement, mais je tiens à le préciser, je ne suis pas satanique. Ah. Mais je veux dire, la plupart des interprétations qui sont faites des textes, des groupes de rock qui ont des saveurs un tant soit peu sataniques, les messages, ce qu'on pourrait en tirer de positif, c'est quand ils prônent l'individualité, justement, parce que c'est un peu comme, je dirais, relié d'une certaine façon, dans la mesure où est-ce que ce qui est proportionnellement inverse au niveau numérologique est aussi proportionnellement inverse au niveau philosophique. Mais je veux pas aller trop loin dans cette direction-là. Je comprends plus rien. Je vais essayer d'expliquer la chose. Mais moi, le 5, pour moi, le côté individu de l'homme, c'est un peu... j'avais lu un truc, si l'homme était évoluerait, si tu venais au monde dans l'espace, eh bien, tu ressemblerais à une étoile à 5 branches, justement, avec la tête et les bras, parce qu'il n'y aurait plus de gravité pour te tenir. Ouais, donc, mais t'as oublié une branche. Ben, la petite mini-branche, là. Ouais. mais encore une fois. Ouais, mais bon, OK, je veux dire, je veux pas partir sur un autre sujet, là, mais pense-y, OK? Entre les deux bras, il y a la tête, oui. Puis entre les deux jambes, il y a le sexe. Donc, on pourrait considérer la tête comme étant proportionnellement opposée au sexe, puis qu'est-ce qu'il y a au milieu, entre les deux? Le cœur. le centre de l'âme. Ah, messieurs, sur ces sages paroles, on va essayer de définir un peu mieux le 5 de Denis, oui. Parce que c'est un 5 aussi, mais c'est un 5 de quelque chose en particulier. D'accord. On le dit, c'est une lame d'avertissement. Alors, en effet, il y a un grand potentiel, des possibilités infinies qui s'offrent devant toute personne, bon, consciente de son potentiel. Le 5 de Denis signale au consultant, donc disons que le dîner de con en tant qu'émission est le consultant, signale au consultant que rien n'est gagné d'avance dans ce qu'il entreprend. Il met en garde le consultant contre des événements inattendus qui pourraient ralentir ou entraver ses projets touchant à la réalisation matérielle et professionnelle. Le consultant, donc le dîner de con, est au centre de l'univers. Ben oui. Ça, on le savait tous déjà, même les auditeurs étaient au courant, qui est sans cesse en mouvement. Le 5 de denier avertit le consultant qu'il faut apprivoiser le mouvement et le faire tourner à son avantage au lieu de s'obstiner contre des courants défavorables. Alors, j'ai pas compris moi plus la dernière phrase. Veux-tu la répéter, s'il te plaît? J'aimerais ça. Le 5 de denier avertit le consultant qu'il faut apprivoiser le mouvement et le faire tourner à son avantage. Donc, d'accord, il faut s'habituer à ce qui se passe autour de nous pour l'amener. La résiliation. Exactement, en fait. Faut pas aller contre. Au lieu de s'obstiner contre des courants défavorables. Exactement. Suivez l'eau de la rivière et avancez malgré les obstacles. C'est en plein ça. Alors, faut pas arrêter sur une roche qui retient l'eau, là. Non, il faut continuer passer, la contourner. La contourner, se laisser aller par le courant des choses, mais accepter. Alors, voilà ce qui était pour le dîner de con. Et moi, j'ai pensé un peu plus pour les chroniques d'horoscope. J'ai pris ma carte tout à l'heure et j'ai trouvé le 8 d'épée. Alors, évidemment, le 8 d'épée, c'est une lame qui est négative. Ah! Alors, messieurs, je m'attendais à rien du tout. Évidemment, je décide toujours de mes choses en lisant mon propre horoscope le matin. Le nombre 8... Ce nombre est le nombre de l'équilibre, des énergies en balance, de la justesse et de la justice. Le nombre 8, je fous, je te coupe, j'ai pris l'avion il n'y a pas longtemps, et il y avait une excellente joke dans l'écran en avant de moi. Oh. C'était, qu'est-ce que le zéro dit au nombre 8? T'as mis une ceinture aujourd'hui. Oh, t'as une belle ceinture. Hein? Il est vite, hein? Wow. Hey, j'ai trouvé que c'était une magnifique blague d'avion. Et puis, elle a passé pendant 5 heures. C'était la seule blague en français. Parce que l'autre blague était en anglais. Et puis, c'était c'est quoi le lit de Gingerbread Man? Ouais. C'était une plaque avec biscuits, genre. Oh. Genre de joke, en tout cas. Ouais. Wow. La joke en français était meilleure. Mais c'est deux excellentes blagues dont je vais me rappeler longtemps, évidemment. Mais c'est genre livre de jokes, là. Oui, mais c'était même... Oui. Moi, mais ce qui est plate, c'est que moi, je me disais, bon, il va en passer une coupe, mais tout le temps qu'il y avait une joke qui repassait, c'était cette fameuse jab. D'un coup, que tu l'as pas compris. Ouais, exactement. Ou d'un coup, que tu faisais d'autres choses à ce moment-là du vol. Mais sûrement que c'est pour être un équilibre pour tout le monde. Si on a un court vol d'une demi-heure seulement puis qu'on voit la blague qu'une seule fois, ça serait décevant de dire j'ai pris l'avion, mais j'ai manqué des blagues. Il y a une couple de blagues que j'ai pas eu le temps de voir. Puis là, excusez, je pouvais vous ralentir le vol. Puis là, c'est compliqué un peu. Désolé pour vous avoir coupé dans le 8. Non, ça me fait plaisir. Écoute, le 8 d'épée qui parle de l'horoscope avec Rémi, le 8 d'épée signale à nous-mêmes, ma propre chronique, des épreuves à affronter, des obstacles à venir devant cette carte très négative. Il ne faut toutefois pas s'affoler. Alors, on reste calme sur le sujet. Le consultant, donc moi-même et mon horoscope, trouveront en nous la force de surmonter ces difficultés et d'entreprendre le renouveau nécessaire à la reconstruction. Alors peut-être, messieurs, que je devrais apprendre à changer ma chronique à cette émission ou simplement l'adapter. Je ne sais pas. Écoutez, je n'avais pas... Ça me fait peur. J'ai aucune annonce à faire moi, en nom de ce sujet-là. Je voulais simplement tester la chose. Rémi. Oui? La carte, l'interprétation disait « il faut surtout pas s'affoler », etc. Bon, est-ce qu'il y a des cartes dans ton jeu de tarot de Marseille qui dit « là, c'est le temps, là, paniquez, là, c'est le temps, là ». Écoute, j'ai pigé aussi pour l'ensemble de C'est fou une autre carte. Alors là, c'est assez dangereux. Je sais que je m'immisce dans des situations où je ne devrais peut-être pas aller. Mais j'ai l'arcane sans nombre. Oh. Le mât. Mmh. Oh. Énergie de l'imprévu. Étrange personnage que ce mât, dont l'arcane n'a pas de nombre, mais qui se place en réalité en 22e position du tarot de Marseille. Il s'en va vers une destination que lui seul connaît. Il est l'indomptable figure du tarot, celui dont personne ne connaît les secrets. Attention, messieurs, l'interprétation numéro 1. Que dit l'image de la carte? Le personnage du mât est un homme d'une certaine corpulence qui en impose par son aspect physique. Il s'en va, un bâton à la main, afin de conserver ses repères terrestres et temporels. Il n'a pas envie de se perdre en chemin, mais il ne prête aucune attention au chien qui le poursuit et qui veut lui mordre la cuisse. Ce chien symbolise les peurs et les événements du passé. Le mât est un homme fort. Il emporte avec lui dans son baluchon les quelques connaissances qui lui serviront dans sa nouvelle aventure. Il ne se retourne pas. Fier, le menton levé, puissant et déterminé, le mât s'en va vers son destin.

Justement, Charles-André, je vais t'inviter à visiter la page Facebook du Dîner de cons. Je viens d'y mettre un petit truc assez intéressant. On parle de logos et si des logos étaient déshabillés. Oh. Ils sont assez intéressants, vous allez voir. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. On a le premier logo, hein? On voit un grand carré rouge avec une vague rouge qui est assez facile et à reconnaître. Assez évocateur, merci. On reconnaît avec facilement la compagnie Coca-Cola. Coca-Cola, bien sûr. Ensuite, on a le K rouge sur un fond jaune de Kodak. Hein? On voit la compagnie Kodak. Oui, la compagnie. Oui. Ensuite, les deux ronds rouges et jaunes qui s'imbriquent à la Mastercard. Oui, la fameuse Master Requin. Exactement. Ensuite, on a Heineken avec son étoile rouge, hein, qui signifie bam, qui frappe. Il sent le logo fait un peu genre soviétique. Ben, ou, ça fait Cuba, justement. Oui, peu. Cuba, alors que c'est une compagnie, je crois, qui est belge. C'est Irlande. C'est Heineken. C'est... Ah non, ça serait... Ouais, t'as raison. Mais semble que c'est belge comme Stella Artois. Ouais, en tout cas, je ne me propose pas. Donc, à confirmer. En tout cas, on va voir. On a Levi's, la fameuse griffe rouge de la marque de si jeans. Tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas reconnu. Ah non? Pasteur, que tu me l'as dit, ça me saute aux ben yeux. Ben oui, c'est ça. Ensuite, il y en a un que je ne connais pas. Ça serait pas Shell, ça? Non, c'est pas Shell. Ah, c'est Chupa Chup. Ouais, Chupa Chup, mais on connaît pas. Par contre, on a ensuite Burger King, avec les deux pains qu'on a chacun. Oui, les fameux pains. Les dessus de pain avec à l'intérieur la marque. Et tant qu'être sur la page Facebook du Dîner de cons, je vous invite à aller voir un petit show. Hey, on vient de me dire, David D. Dufresne me dit que Heineken, c'est hollandais. C'est hollandais. Ben oui, c'est bon, ça. Bon, parfait. Marque des Pays-Bas. Donc, désolé. Excusez-moi. Désolé oui, à notre... Mais il me semblait aussi... Shame on us. Tu sais, je disais belge, mais je voyais bien là, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais belge, c'est correct, parce qu'il y a tellement de flamands, donc c'était... Mais c'est des cultures assez similaires, excusable. Mais j'ai malheureusement pas eu la chance de visiter la magnifique Hollande. Chance que tu as eue, quand même. Oui, tout à fait. Mais moi, c'est que je me suis trompé avec Guinness, qui est irlandaise. Oui, Guinness, ça, c'est typiquement moi, irlandais. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite irlandaise, parce que Guinness et Heineken, dans ma tête, se mélangent parfois. Oui, mais je comprends, comme quand j'étais petit, là, je mélangeais Austin Power, puis voyons, notre roteux québécois préféré. Là, attends un peu. Le mécanicien, joué par Julien Poulin. OK, Elvis Graton. Je mélangeais Austin Power et Elvis Graton quand j'étais flo. Va savoir. Va savoir pourquoi. Donc, c'est ça. Si vous êtes sur la page Facebook du Dîner de cons, allez voir. Il y a une campagne assez intéressante en Colombie qui a été menée par la compagnie Hot Wheels, tu sais, les petites voitures. Oui. Eh bien, on a mis un loop sur l'autoroute. Un loop comme dans les pistes de course. Non. Mais c'est en pancarte. C'est assez le fun d'aller voir. Vous pouvez aller voir ça sur la page Facebook du Dîner de cons. Je pensais qu'ils l'avaient construit pour vrai. Non, non, ils l'ont enfin, pas construit. Enfin, un rêve devenu réalité. T'aurais voulu passer dessus avec ton char? Ben, en bicycle à pédale. OK, t'aurais peut-être tombé rendu. Ben non, c'est parce que c'est sans compter la puissance de mes cuisses d'année. Ah, c'est vrai, t'as toute une paire de cuisses. Et donc, c'est ça, ça vaut la peine d'aller voir ces petites photos sur la page Facebook du Dîner de cons. Sinon, je vous parle d'un couple qui survit à 6 catastrophes naturelles pendant sa lune de miel. Ils n'étaient pas chanceux. Non, ils n'ont pas été chanceux, rendu peut-être là. Peut-être 7 même, parce que... Je pense que ça aurait été un motif suffisant pour divorcer. Le divorcer, rendu là. Donc, les lunes de miel ne sont pas toujours idylliques, mais un couple suédois a été confronté à pas moins de 6 catastrophes naturelles pendant son voyage. Stephen Sandström de Stockholm a expliqué mardi qu'ils étaient partis en voyage de noces le 6 décembre avec son épouse Erika et leur bébé. Ils ont été immédiatement bloqués à Munich en raison d'importantes chutes de neige qui ont touché l'Europe. Puis, ils ont constaté les dégâts causés par un cyclone à Cairns, en Australie, et par des inondations à Brisbane. Ils ont échappé de peu à des feux de brousse à Perth. Juste avant d'arriver en Nouvelle-Zélande, eh bien, un séisme de magnitude 6.3 a frappé Christchurch et dans leur destination, Tokyo, ils ont ressenti le tremblement de terre de magnitude 9 et qui a entraîné le tsunami dévastateur qu'on connaît. Ben là, c'est sûr qu'à la base, si tu t'en vas en Norvège faire une expédition de volcan, après ça, tu t'en vas au Japon faire de la plongée sous-marine, après ça, je veux dire, tu t'en vas en Australie à la chasse au dragon de Komodo, attends-toi pas à passer des vacances de tout repos. Oh, ça rime, c'est merveilleux. Mais bon, quand même, ils ont quelque chose à raconter et ils vont sûrement avoir des belles photos de voyage. Oh, probablement, si les appareils n'ont pas été détruits. Hein? Et restons tout à fait au Japon. Un chien secouru après 21 jours en mer. Oh, le pauvre Petou. Le tsunami. Donc, c'est une histoire qui réconforte un peu le peuple japonais, mis à part le séisme, bien sûr, du tsunami du 11 mars dernier, ainsi que la catastrophe nucléaire de Fukushima qui en découle, bien sûr. Aujourd'hui, samedi dernier, eh bien, les gardes-côtes nippons ont annoncé avoir secouru un chien perdu en mer 21 jours après le passage de la vague dévastatrice sur le nord du pays. Donc, l'animal, apparemment en bonne santé, a été repéré vendredi par l'équipage d'un hélicoptère sur le toit flottant d'une maison. Effrayé par le bruit de l'appareil, le chien a commencé à sauter de débris en débris. Conséquence, c'est par bateau qu'il a été secouru et ramené sur la terre ferme. Il est très doux, a l'air en forme, il mange des biscuits et des saucisses, a déclaré le responsable des gardes-côtes de la presse du pays. Il aime manger des saucisses. Peut-être pas la saucisse qui paye 4 500 €, mais bon, en tout cas. Ben là, c'est sûr que des saucisses de canard, là. En revanche, si le chien porte un collier, il n'y a aucune indication permettant d'identifier son propriétaire ou si les sauveteurs ne sont pas en mesure de savoir si le chien a passé ses 21 jours en mer ou s'il a dérivé sur un toit en d'autres circonstances. Mais d'après eux, ben, c'est ce qui est arrivé. Donc, un excellent nageur, quand même. Belle nouvelle, quand même. Bon, c'est juste un chien, mais bon, c'est mieux que rien. Ça réconforte nos amis japonais, et on est avec eux. Ben, c'est quand même une belle petite histoire, là. Ça pourrait faire tellement un beau petit film, là, d'Hollywood, genre Retour au bercail 8, là. Ouais. Donc, sur ça, eh bien, le dîner de con s'achève, 12h55. On vous dit merci d'avoir été là avec nous. On a adoré vous divertir. Ça a été un très bon dîner de con ce midi. Oui, tout à fait. Et je dirais même plus, depuis que tu es revenu de Jamaïque, tu pètes le feu, mon merveilleux Danny. Ben, tant mieux. Merci. C'est le fun d'entendre ça. Et puis, ben, ça fait du bien. Au moins, ça donne ça. Exactement. Et faut pas oublier que les meilleurs dans tout ça, c'est vous qui nous écoutez. Officiel. Et puis, on aime que vous nous suiviez sur Internet, sur Facebook, que vous participiez à l'émission, que vous nous envoyiez vos commentaires, que vous nous corrigiez aussi, gars, David Desdufresnes. Nous a corrigé en disant « Hey les gars, Heineken, c'est en Hollande. » Oui, c'est extrêmement judicieux et apprécié. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence. On est là pour vous. Sur ce, eh bien, 12h55, comme j'ai dit tantôt, on va aller écouter une excellente pièce. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas écouté. Du Gilles Jogging, fumeur romantique. Magnifique. Hein? On ne se fera pas chialer là-dessus. C'est parfait. C'est juste correct. On écoute ça. Ensuite, ben, je vous dis rester sur les ondes du 89.1. Nous, on est là demain pour vous à 11h. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Mon dealer, c'est un mec sympa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Quand je commence à plus dormir la nuit, que j'ai des sueurs, que je panique, que je tourne en rond, que j'ai cherché partout 20 fois dans les mêmes endroits et même sous les meubles, ah, c'est bon. Sûr, j'en ai plus. Alors je prends mon téléphone et j'entends sa voix douce et rauque, et d'un air honteux et timide, je lui propose que l'on se voit. Mais j'ai l'espoir, même si je ne connais pas son vrai prénom, j'ai confiance en lui, en espérant qu'il aura un peu de temps à m'accorder. C'est possible dans une heure. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Tu vas voir. Mon dealer, c'est un mec sympa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Alors parfois je lui fais des infidélités. J'ai tort, je sais. Je vais voir ailleurs. Mais souvent je suis déçu. C'est trop petit ou trop léger. J'ai l'impression de m'être fait voler. Ouais, encore ouais. Un plan galère. Mais l'essentiel, c'est de m'être approvisionné. Mais je prends beaucoup de risques pour ce petit vice. Et je me dis que si j'avais un penchant pour l'alcool, et qu'au lieu d'être un fumeur romantique, je pourrais acheter ma drogue dure en liberté dans mon hypermarché, chez Auchan ou Leclerc. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Mon dealer, c'est un mec sympa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Et le soir, hyper stressé par ma routine, en roulant, je me dis que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mon dealer, il a toujours ce qu'il faut pour moi. De jour comme de nuit, je l'appelle à n'importe quelle heure. Mon dealer, c'est un mec sympa. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'arrive. Mon dealer, mais qu'est-ce que je ferais? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Ça

nous achever aujourd'hui, toi. Comment? Tu veux nous achever? Ouais, ouais, mais je savais pas que vous alliez être dans un mood relax. Mais c'est je bon. Je voulais vous relaxer. C'est réussi. Je voulais vous détendre. Un petit massage sur les épaules comme ça, puis bonne journée. Bonne nuit. Mais tu sais, je pense que c'est pas trop représentatif de l'album. Il y a des pièces qui rock un peu plus, The Pains of Being Pure at Heart. Alors, on a entendu la pièce Anne with an E, mm-hmm. De leur plus récent album, Belong. Belong. C'est un G très guttural. Là, ça. Ouais. Ouais. Donc, c'était ça. Là. C'est tout? Ouais. Merci, coach. Je vais aller analyser mon pool. Moi, ouais, c'est Lombardy. C'est pas une maladie du dos, ça, je pense. J'ai un Lombardy. Tu sais, ah, c'est bon. Tu fais des liens. Ouais. Bon, ben, je vous laisse justement parler de Matthew Lombardy. C'est bon. Merci beaucoup, Maxime Lemieux-Ramé. À la semaine prochaine, mercredi à 8h. Oui, merci. Salut. Yes, sir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. La couche d'ozone, eh bien, cette année, un trou record observé au-dessus de l'Arctique. Ben là, rien d'étonnant là-dessus. Hein. On sait que le trou dans la couche d'ozone ne rapetisse pas. Non, puis c'est ça. À cet effet-là, j'avais d'ailleurs lu que si on essayait de remplir la couche d'ozone avec de l'ozone apportée par avion, mettons, là, des avions citernes d'ozone, puis tout, les transports en avion... Pour transporter l'ozone... Ça défrait plus la couche d'ozone qu'on arriverait à la réparer. Donc, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Non, et bon, en tout cas, on va en prendre cette triste nouvelle. Cette observation a été réalisée à partir du sol avec un ballon sonde flottant au-dessus de l'Arctique, mais grâce à des données satellites aussi. Donc, entre le début de l'hiver et la fin du mois de mars, une perte d'environ 40% a été enregistrée dans la région, a expliqué l'OMM dans un communiqué publié sur son site. Et le précédent record de destruction de zones avait été une perte d'environ 30% sur tout un hiver, d'un autre hiver, on nous dit pas de quelle année. Ce phénomène de réduction de l'ozone se produit chaque année en hiver et au printemps en Arctique en raison des températures très basses et de la stratosphère où se forme cette fameuse couche d'ozone. Dans cette région arctique où les températures sont toujours plus élevées que dans l'Antarctique, les conditions météorologiques varient de façon importante d'une année sur l'autre. Certains hivers, l'Arctique entraîne une importante déperdition d'ozone, quand d'autres ont un impact quasi nul sur cette couche qui protège la Terre des rayons ultraviolets du soleil. Cette année, eh bien, les températures sont montées particulièrement froides. Particulièrement froides dans la stratosphère. Et si les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, telles les chlorofluorocarbones et les halons, ont été progressivement éliminées dans le cadre du protocole de Montréal, elles sont extrêmement persistantes et peuvent demeurer dans l'atmosphère pendant des dizaines et des dizaines d'années. En Antarctique, où le phénomène se produit à chaque printemps, la réduction de la couche d'ozone devrait ainsi se poursuivre jusque 2045-2060, ça détériore pas plus, là. En effet. Tandis qu'en Arctique, eh bien, un retour à la normale est prévu dans 10 ou 20 ans plus tôt. Donc en 2025-2020. Donc, de l'espoir quand même, mais on sait que, justement, la couche d'ozone à cet endroit-là du globe est extrêmement importante parce que elle protège justement des variations de température trop extrêmes. Et puis, on sait que dans cette région-là, il y a beaucoup de glace, de glaciers. Et puis, si la température monte trop haute, bon, là, c'est sûr que c'est une théorie là, que j'avance. Là, je veux pas être alarmiste. Là. Mais si la température monte trop, ça va faire fondre les glaciers qui vont... Et monter l'océan. Ouais, ben peut-être bien. Mais une chose qui est sûr, c'est que ça va aussi changer un peu la température de l'océan. Et puis, la température change, ça pourrait occasionner des perturbations des courants marins, OK? Et puis, au dire d'un certain documentaire nommé La 11e heure, peut-être même stopper totalement les courants marins. Oui. Et donc, l'eau sur Terre deviendrait stagnante, ce qui ferait qu'elle dégagerait un genre de gaz nauséabond, puis ça serait assez... De l'eau morte, c'est dégueu. Exactement. C'est une flaque d'eau qui est là depuis longtemps. Ça pue, c'est dégueu. Exactement. C'est pas... Les bactéries prolifèrent, etc. Donc, ça serait un scénario assez apocalyptique. Merci. Puis, parlant de flaque d'eau, j'ai entendu parler un peu là, de nos Japonais là, qui essaient de réparer le réacteur pété. OK. Là, ça a l'air que là, ils ont tout le cancer puis ça va pas bien. Ils vont tous mourir d'ici 3 mois. C'est un peu prévisible, mais... Je veux dire, c'est d'une grande tristesse. Puis il y en a déjà, je pense, 3 qui sont à l'article de la mort parce qu'ils ont pilé dans une flaque d'eau. Oh. Une flaque d'eau radioactive qu'il y avait à terre. Ils savaient pas qu'elle était radioactive. Ils ont juste, tu sais, il y avait sûrement des souliers ou de quoi, mais ils ont pilé dans la flaque. Tu sais, imagine, là, c'est comme, c'est un scénario comme des Simpsons, là, dans centrale nucléaire, là. C'est tout bric-à-brac. Fait que, pis je veux dire, tu peux pas vraiment envoyer du monde les aider, tu vas les tuer. Ben, c'est ça, quoi? Exactement. Un genre de scénario à la K-19 de Widowmaker, là, quelque chose d'assez monstrueux, merci. Donc, je veux dire, je suis de tout cœur empathique à avec leur situation, oui. Tout à fait. Une belle nouvelle, c'est, ça met de bonne humeur dans notre ben là, journée. Désolé, mais bon, ça existe. Pis, Je sais. Mais bon. On va continuer comme ça avec quelque chose de beaucoup plus léger. Tant mieux. C'est le portrait de Kate Winslet nue qui a été vendu. C'est le portrait qui avait été fait dans la scène du film Titanic pendant laquelle Leonardo DiCaprio trace le portrait de la belle Kate Winslet. Et puis le dessin, eh bien, c'était un dessin du réalisateur James Cameron. Ah oui, vraiment? Oui, c'est lui qui l'avait fait. Donc, Europa Press, donc une compagnie, bien sûr, un journal, a annoncé que le dessin de James Cameron représentant Kate Winslet dénudée a trouvé un nouveau propriétaire pour environ 11 000 euros. Donc, cette scène du Titanic au cours de laquelle du personnage de Jack, bien sûr campé par Leonardo, dessine Rose, Kate Winslet, et est devenue l'une des plus célèbres scènes du cinéma romantique. Portant autour de son cou le collier offert par son fiancé, Rose demande à son amant Jack de la portraiturer dans son intimité. Oui, une scène assez sensuelle, merci. Oui, et j'aime bien le mot portraituré. Le portrait original a été réalisé par le réalisateur lui-même, James Cameron, et il est signé des initiales du personnage G.D. pour Jack Dawson, et est daté du 14 avril 1912, à la veille du drame qui emporta le paquebot et ses occupants. Il s'agit donc à la fois d'un souvenir collector des films les plus marquants de ces dernières années et d'une œuvre originale d'un cinéaste reconnu. Et quand donc, même, c'est une double reconnaissance. Oui, exactement. Et puis, bon, on parle de 11 000 euros, donc une 20, ben, presque 15 000 $. Ouais, au moins un bon 15 000. Au moins un bon 15 000. Ouais. Mais tu vois, moi, je m'attendais à ce que ça soit encore plus ben, cher. Moi aussi, j'étais un peu surpris. Puis même, je dirais que je trouve que c'est bien comme ça. Je trouve ça cool que, bon, cette œuvre-là, qui est une œuvre, bon, relativement importante d'un certain point de vue. Ben, en tout cas, pour les collectionneurs, c'est pour les collectionneurs, ne commence pas à valoir des millions. En là. Commençant, oui, exactement. Exactement. Peut-être plus tard. Peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, on aura reconnu le talent de James Cameron. Peut-être que ça ne vaudra plus rien non plus. Ça me surprendrait que James Cameron soit complètement oublié comme réalisateur. Peut-être que s'il y a une genre de guerre nucléaire et on devient tous des singes, ouais, mais là, il va avoir juste mon band qui ne sera pas oublié, Danny. Bon, OK. C'est le site internet Première Props, spécialisé dans la vente de produits originaux issus de tournages de films, costumes portés par des acteurs, accessoires ayant servi au tournage, etc., qui a réalisé cette vente. Et bien d'autres articles ont été vendus, comme par exemple le manteau de John Wayne, dont le prix reste un mystère. Pour préserver un peu la folie et le rêve. Est-ce que tu l'aurais porté, toi, le manteau de John Wayne? Je sais pas. Sûrement. Sûrement, mais il doit être quand même classe. Ben oui, sûrement. et puis, on va rester dans le milieu maritime. Cette fois-ci, on va passer du Titanic au capitaine Haddock, qui fête ses 70 ans. Oh mon Dieu, ça le rajeunit pas, puis ça nous rajeunit pas plus. Mais c'est dans l'indifférence générale qu'il fête ses 70 ans. Oh, dommage pour lui, il devait être trop sa brosse. Non, mais c'est surtout par rapport aux 80 ans de Tintin qui, elle, n'a pas passé sous silence. T'sais, on sait, Tintin, c'est quand même l'icône de ça. OK, donc le capitaine Haddock, le personnage, est né 10 ans quand même après Tintin. La création de Tintin, oui. Oui, une création donc, plus tardive. Donc, à quoi le loup de mer le plus célèbre du 9e art s'occupe-t-il donc à sa retraite? Eh bien, après une enquête du côté de laquelle Mediapart et le feuilleton Wirt Betancourt, on nous dit qu'on peut aller se rhabiller. On a trouvé sur Internet, le personnage donc culte continue à déchaîner les passions. Sur la toile, le capitaine Haddock est, en personne aurait posté une récente vidéo sur YouTube qui aurait pris l'accent belge. On va essayer de trouver ça. Donc aussi, on souffle qu'il se serait mis à la chanson. Tout comme dans Tintin, un remake de Born to be Wild. On se demande qu'est-ce qu'il fait. Ses performances dans les albums ont inspiré d'autres clips, comme celui-ci. Un groupe de néerlandophones a d'ailleurs choisi le nom de notre héros pour brûler les planches devant les groupies déchaînées. Aux Pays-Bas, il y a un groupe qui s'appelle Capitaine Haddock. Bonne c'est idée. Quand même cool, ouais. Oui, exactement. Et puis, on peut aussi retrouver des vidéos de ce groupe qui bouge en 2008-2009. Un autre groupe qui s'appelle Capitaine Haddock. Donc, c'est un autre Ben. Mais c'est quand même un icône de Tintin. C'est un personnage assez important. Ben, très important. Et puis, c'est comme le rebelle ou le rocker de Tintin. Ben oui, tout à fait. C'est le personnage... C'est lui qui est sex, drug, rock and roll. Ben, d'une certaine façon. C'est lui qui boit, c'est lui qui tripe sur les femmes, c'est lui qui parle vulgairement. Tout à fait, Danny. Mais en fait, bon, c'est parce que je m'en allais exprimer les choses d'une façon différente. Mais non, je trouve que ta façon d'exprimer les choses est encore plus judicieuse. Puis s'il y a de quoi plus représentative encore de la façon que je voyais le Capitaine Haddock. Donc, c'est le côté rock. Ben oui, de Tintin. Dans le fond, je me sens proche soudainement du Capitaine Haddock. Moi puis le Capitaine Haddock, on est comme frères. Mais je pense que c'est pour ça que ça peut donner un bon nom de band. Oui, aussi, quand mais même. Là, le nom est déjà deux, trois fois appris, très utilisé. Ouais, donc, puis un Ben appelé Tintin, c'est peut-être moins viril un peu. C'est ça, ça fait... Tintin et les tintinophones, là. OK. Donc, rassurez-vous, il s'appelait Archibald, hein, Haddock, tu savais? OK, Capitaine Haddock, c'est un surnom. Ben, c'est Archibald Haddock. Archibald Haddock. Donc, oui, comme c'est un militaire, on le nomme d'abord par son nom. Il est né le 29 mars 1941 dans un journal collabo dont la résistance du foie n'a rien envié à celui de James Bond. Parce qu'il y a une résistance à l'alcool. OK, oui, en effet. Ben, en même temps... Parce que James Bond aussi, il n'est jamais sous. Tu sais, tu vois jamais James Bond sous, mais il y a toujours... Capitaine Haddock, des fois, il est sous. Ouais, un peu plus. T'as raison là-dessus. Sauf que, par exemple, il est pas malade, me semble, de brosse. Non, il est droit. Il est droite comme un capitaine. Mais sinon, un autre personnage qui est très amusant, c'est le professeur Tournesol. Tu sais, lui, c'est le hippie de la gang. Ben, hippie intellectuel. Ben oui, mais souvent, les hippies sont assez intellectuels. Mais, je vais mettre un lien où il y a une quantité de photos et de vidéos sur le Capitaine Haddock. C'est assez intéressant sur la page Facebook du Dîner de Cons. Si parfait. Donc, pour découvrir ce personnage assez coloré, merci. Totalement coloré, oui. Donc, ça peut être intéressant. Donc, on va faire une petite dernière. On va partir de la mer pour se rendre dans le ciel. Et puis, la vidéo est déjà sur la page Facebook du Dîner de Cons. C'est, on vous invite à planer avec le wingsuit. Sûrement que ça t'intéresserait d'essayer oui. ça. Oui. Donc, c'est s'inspirant du plumage des oiseaux. Moi, je dirais plus s'inspirant des écureuils volants. Ouais, ça ressemble à un écureuil volant. Mais je pense que j'ai déjà vu un peu le principe. Oui, oui, ben c'est pas nouveau. C'est pas... Mais peut-être que c'est un nouveau modèle plus performant. Ouais, exactement, moins dangereux. Donc, le wingsuit est une discipline en plein essor qui a pour but de passer d'un mouvement de chute à un mouvement de vol. Et pour cela, les parachutistes utilisent des combinaisons souples en forme d'ailes pour transformer leur corps en une sorte d'aile d'avion. Et comme je vous dis, ça ressemble réellement à un écureuil volant. On a un genre de tissu qui tire des bras jusqu'aux jambes. Et puis, ça vous permet de flotter dans les airs. C'est magnifique. Ces combinaisons se gonflent alors d'air dès que le parachute sort de l'avion, en générant une portance permettant à son utilisateur de réduire sa vitesse lors de la chute en convertissant donc en vitesse horizontale. Cette technique développée depuis de nombreuses années sans un réel succès connaît depuis quelques temps un engouement beaucoup plus important, notamment grâce aux améliorations apportées à ces combinaisons. Justement, ça fait quelques années qu'on en entend parler, mais là, les combinaisons deviennent de plus en plus performantes. En effet, celles-ci offrent aujourd'hui confort, sécurité aux amateurs de sport extrême, comme le montre cette ce vidéo fait par Richard Snyder intitulé Exploring the Sky. Et puis, je vous invite à voir cette vidéo. Les images sont très, très belles. Exploring the Sky Wingsuit Flying 2011. Ça vaut la peine. Ben c'est drôle parce que moi, je suis un peu partagé en cette espèce de rêve fou là, à la de voler. De voler. J'aimerais ça l'essayer. Puis en même temps, je vais être honnête, j'ai la chienne. Ben oui, c'est sûr. Ben c'est comme quand on va en voyage, c'est bien le fun d'aller en voyage, mais quand t'arrives à prendre l'avion, c'est plate un peu. Ouais, moi non plus, je suis pas un fan de l'avion. Surtout, il faut mentionner que je fais 6 pieds 4, donc faut que je me plie en 4, que je rentre dans le soute, puis que j'attende qu'on arrive. On le met dans une petite cabine pressurisée. Là. Ouais, exactement. Juste pour pas que ça défraîchisse trop durant le voyage, puis il me réanime arriver à bon port. À bon port. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Très bien, vous-même. Oui, en ce pool électoral.

plus de 45 millions. C'est le Daily Mail qui rapporte cette histoire étonnante. Après avoir oublié dans son grenier ce tableau qu'il avait acheté à bas prix dans une brocante, son propriétaire a décidé de ressortir afin de le revendre. Mais en y regardant de plus près, celui-ci a remarqué une signature dans le coin. En comparant avec celle de Paul Cézanne, qui a vécu de 1839 à 1906, dans son livre sur l'impressionnisme, il a constaté qu'une ressemblance était déroutante. Il a donc décidé de faire authentifier son bien auprès d'un commissaire priseur. Donc, un événement majeur dans le monde de l'art. Une toile représentant une maison au toit orange, près d'une rivière entourée d'arbres, a été examinée par l'expert en art Tim Conrad. Et celui-ci affirme que le trait évoque les œuvres de jeunesse de Paul Cézanne, qui représentaient souvent des paysages ruraux comme celui-ci. Il est daté de 1854, donc ça fit dans les dates. Et elle serait ainsi l'œuvre connue la plus ancienne de ce peintre, alors âgé seulement de 15 ans et encore élève en art. Lorsque le propriétaire de la toile, qui a tenu à rester anonyme, s'est rendu au centre d'enchères de Wilford of Willingboroughs, Tim Conrad était sceptique quand sa découverte, et quand les gens viennent et disent que je possède un Cézanne, on a tendance à penser... Attention à bien de l'argent. Hein? Oui, naturellement. Donc, attends un peu, je veux citer parce qu'il y avait une longue citation. Les gens viennent et disent qu'ils possèdent un Cézanne. On a tendance à penser, oui, mais bien sûr, tu sais, comme ça, c'est ça. Mais quand j'ai vu le travail au pinceau sur cette peinture, j'ai su que c'était une œuvre de talent. J'ai conseillé à l'acheteur de consulter un expert le plus tôt possible. Si c'était un original, l'impact serait énorme. Nous parlons là environ de 40 millions de livres sterling ou 45 millions d'euros. Si ce n'est pas plus même, ce serait un événement majeur dans le monde de l'art. En 1999, l'œuvre de Cézanne de 1893, Rideau, Cruchon et Compotier, s'était vendue pour 38 millions d'euros, se plaçant ainsi dans le top 10 des œuvres d'art les plus chères. À l'heure actuelle, le propriétaire du mystérieux tableau attend encore fébrile la confirmation de ses suppositions. Bon, ben on lui souhaite que ce soit un vrai, hein, puis... Si c'est un vrai, ben y a-tu moyen de payer ma carte de crédit? Et ce qui est triste là-dedans, ben c'est merveilleux, mais ça arrive pas souvent en Europe, en Amérique, des trucs comme ça. Oui, t'as plus de chance sur le vieux continent, comme on dit. Oui, tout à fait, en tout cas. Mais belle nouvelle pour lui, et puis je lui souhaite que ce soit un vrai Cézanne. Et puis je le souhaite aussi pour le monde de l'art sur la planète. On va retrouver un tableau important, en fait. Tout à fait. Oui. Très intéressant, Danny. 11h54, on va y aller avec une petite dernière comme ça. Une nouvelle qui m'a quand même... moi, je trouve ça dégueulasse, la chirurgie plastique. Pas dans des cas d'accident, puis qu'on veut te refaire un peu. Mais quand c'est juste pour essayer d'avoir l'air jeune, là, ou avoir l'air en plastique... Ça donne pas l'air jeune, ça donne l'air d'un robot. C'est affreux. On pense qu'à Anne-Marie Lozic ou autre... C'est dégueulasse. Qu'on parle du Botox ou des lifting, là, ou les augmentations mammaires, c'est horrible, ça aussi. Là. Ça dépend. Mais... non, mais je comprends ce que tu veux dire, sauf que le fait que ça peut dégager une apparence attirante vue de l'extérieur comme ça au premier coup d'œil, mais c'est un trompe-l'œil. Moi, il n'y a rien comme la vérité. Là. Oui, mais encore pire, c'est le fameux soutien-gorge avec des faux dents. Maintenant, presque tous les soutiens-gorge, il y a des... Tant qu'à avoir un soutien-gorge rembourré, vaut mieux celui-là là, qu'on avait vu l'autre fois, là, le modèle. Rembourré pour vrai. Non, mais c'était pas ici qu'on avait vu ça, l'espèce d'info-pub là, du soutien-gorge qui te ramasse. Hey, ça te faisait-tu une belle paire, ça? Ça faisait une jolie poitrine assez intéressante, merci. Donc, un record, elle subit 52 opérations de chirurgie plastique pour ne pas vieillir. Cette détentrice de record s'appelle Cindy Jackson. Elle habite à Londres, en Grande-Bretagne, et a déjà dépensé plus de 70 000 euros afin de parfaire sa plastique par le biais de 52 opérations de chirurgie différentes. Presque toutes les parties du corps de la femme de 55 ans ont été approchées par un scalpel ou une aiguille. Si on fait le décompte du passé chirurgical de Mme Jackson, on s'aperçoit qu'elle s'est fait lifter deux fois les yeux, refaire son nez deux fois, s'est fait poser des implants sur les joues, a subi 5 liftings, a regonflé ses lèvres, a bénéficié de soins dentaires cosmétiques. Elle a également demandé une réduction du menton, des implants mammaires, une liposuction, une dermabrasion, un peeling chimique, un transfert de graisse. Enfin, elle n'a pas oublié le retrait d'un grain de beauté et le traitement laser de la microdermabrasion, donc, et un remodelage de la mâchoire. En ce moment, je l'ai en photo. Je vais vous mettre ça sur la page Facebook du Dîner de con. Elle a l'air faite en plastique. Totalement. Dans une interview accordée à la chaîne ABC News, Cindy Jackson explique n'avoir jamais voulu remporter le record du monde, seulement de paraître plus jolie de façon naturelle. Naturelle? Naturelle? Ridicule. Ben oui. La dernière opération que la femme de 55 ans a subie consiste à une injection d'une substance afin de favoriser la production de collagène dans ses mains. Ah ben oui, elle va aller l'air plus jeune des mains, de l'intérieur surtout des mains. J'ai eu tout ce qui peut être fait pour paraître plus jeune, plus jolie, mais mes mains me laissaient tomber. J'avais des veines proéminentes ainsi que des tendons qui se soulevaient. Et maintenant, vous voyez, vous ne voyez plus cela du tout, j'ai des belles mains de jeune. Aujourd'hui, Cindy Jackson explique se sentir bien après avoir passé son adolescence à se sentir mal dans sa peau. Ainsi, insiste sur sa volonté de vouloir toujours paraître naturelle. Ah, voyons donc. Ta gueule. C'est totalement ridicule. C'est n'importe quoi. Tu sais, qu'elle dise plus jeune encore, mais naturel, là, gars, fuck off. Mais on dirait Jackson, hein, Cindy Jackson, Michael Jackson. C'est exactement quand je lisais l'article, je me disais, faut bien être un Jackson pour être vouloir se transformer du genre. Exactement, mais tu sais, il y en a qui disaient que Michael Jackson, il était pas devenu blanc à cause d'une chirurgie ou quoi que ce soit, d'un traitement, il était devenu blanc suite à une maladie, là, perte de pigments de la peau, ok, ça, je veux bien, mais puis ça a l'air qu'il se refaisait faire le nez juste parce qu'il y avait un genre de problème de nez, là, mais quand même, il a quand même perdu son nez en spectacle, là, faut le faire, là, moi, ça m'est jamais arrivé, là, de perdre mon nez, puis à part les lépreux, il n'y a pas grand monde qui perd leur nez. Tout à fait. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.